CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, 89.1. Le plan de cette semaine à Assemblage Ruki. Mathieu Roy sera avec nous pour présenter sa chronique de drôlerie en tout genre. On achètera des gadgets farfelus dans 5 spéciales de 2, réponds-le. On apprendra à bien gérer notre vie dans les instructions d'assemblage. Tout ça et plus tout de suite à Assemblage Ruki. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky pour la semaine du 19 mai 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, l'émission, un beau petit plan pour les trois prochaines heures. En fait, comme on le fait toujours, c'est vous et moi en ce début d'été, vous, moi et les oiseaux. Je l'ai dit tout le temps, ils m'accompagnent, ils vous accompagnent. Des fois, ils sont un petit peu dérangeants, mais bon. Donc aujourd'hui, c'est ça, un bon plan avec nos chroniques régulières, comme c'est un fait, en première demi-heure. Ensuite, King Sexy Time, Sex Message de répondre là, les instructions d'assemblage. On va aussi avoir Mathieu Roy en toute fin d'émission. La dernière demi-heure environ lui est réservée pour sa chronique humoristique. Lui qui explore un petit peu le domaine de l'humour, du stand-up, du vaudeville, du burlesque, tout ce que vous voulez. C'est dans la chronique humoristique de Mathieu Roy. Alors, on n'a pas encore trouvé de nom pour cette chronique-là. Faudrait bien qu'on fasse ça. Peut-être même se chanter une petite chanson, je pense, d'ici la fin de l'émission. On va aussi écouter un petit peu de palmarès francophone parce que les palmarès c'est fou, l'émission en tant que telle jouait le côté anglophone cette semaine, donc on va se garder un petit peu de francophone et de ce qu'on n'a pas fait jouer dans les palmarès c'est fou pour cette période du 12 au 25 mai 2014. Donc ça se prépare, c'est en branle, c'est déjà commencé, vous êtes là au bon moment. Restez avec nous pour les trois prochaines heures à Assemblage Ruki. On va débuter d'ailleurs avec une pièce du côté francophone que j'aime beaucoup, c'est la 16e place. C'est la nouvelle entrée la semaine passée ou en tout cas dans le précédent palmarès, ça commence à remonter à loin. C'est Clément Jacques. On s'en entend sur son album indien Voici dans nos cœurs. Assemblage Ruki. Bonne émission. Clément Jacques est dans nos cœurs. C'était nouveau la semaine passée en 20e place. Maintenant, ça monte en 16e position francophone sur l'album Indien. Tantôt, on entendra Kaiser Chiefs du côté anglophone. Donc, restez là. C'est dans la pub des Panneurs assez fous. Donc, c'est super bon. Mais vous êtes à l'assemblage requis et on débute avec la première chronique de l'émission. Celle sur le bord, c'est tout le temps celle où on apprend des choses. Voici C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véritables et vérifiables, évidemment, à Assemblage Requis, tout ça selon Internet. Donc des fois, ça se peut qu'il y ait des affaires qu'on se dise « Attends un peu, ça se peut, c'est pas vrai ». Mais pas avec cette voix-là, parce que ça, c'est une voix vraiment gossante. On commence avec les poulets. Et un bloc animalier, en fait, les poulets qui ont des lobes d'oreilles rouges vont produire des œufs bruns. Et les poulets qui ont des lobes d'oreilles blancs vont produire des œufs blancs, des œufs blancs. Intéressant quand même. Lobes d'oreilles rouges, œufs bruns, lobes d'oreilles blancs et œufs blancs. L'escargot, tiens, va seulement copuler, se reproduire une fois dans sa vie. Mais lorsqu'elle se reproduit, ça peut prendre jusqu'à 12 heures pour réussir à consommer leur relation. Chez l'escargot. Les éléphants vont seulement dormir 2 heures par jour. 2 heures par jour. C'est en masse pour eux autres. Un peu comme moi cette nuit, c'est à peu près ce que j'ai fait, 2-3 heures. Jusqu'à maintenant, ça va bien, mais regarde bien le mur arriver d'ici la prochaine demi-heure. Les koalas ne boivent jamais d'eau. Ils vont prendre leur liquide à partir de l'eucalyptus, les feuilles d'eucalyptus qu'ils vont manger, et c'est là-dedans qu'ils vont réussir à se nourrir d'eau. Le premier chien guide américain était un German Shepherd. C'est le chien de cour de Schaeffer, finalement. Non, c'était un berger allemand, German Shepherd, c'est bien ça. Nommé Buddy. Hey, Buddy! Il a été présenté à Morris Frank en 1927. C'était le premier chien guide américain. Les chats ne goûtent pas le sucre. Ils n'ont pas les papilles gustatives pour goûter le sucré. Donc, malheureusement pour eux, pas de chocolat ou caramel dans leur bouffe. Les études dans l'espace nous ont apprises que les oiseaux ne peuvent pas survivre dans un environnement où il n'y a pas de pesanteur parce qu'ils ont besoin de gravité pour réussir à avaler leur nourriture. Donc, dans l'espace, malheureusement, les oiseaux ne survivent pas parce qu'ils ne peuvent pas manger. La plupart des équipes de NASCAR, course de voiture, hein, utilisent la nitrogène dans leurs pneus à la place de l'air. Chaque année, 30 000 personnes sont sérieusement blessées par leurs équipements d'exercice. C'est évidemment, quand tu fais pas correctement, un spring dans l'œil, c'est bien vite arrivé, quelque chose comme ça, je sais pas trop, je m'en sers pas. D'habitude, un engin pour faire l'exercice, tu te sers de ça comme pour accrocher ton linge, quand tu le fais sécher, des trucs comme ça, c'est rarement pour s'entraîner en tant que tel, mais tu l'as acheté, donc si jamais t'avais besoin de t'entraîner, tu pourrais. Les iguanes, c'est une nourriture populaire en Amérique centrale, on appelle ça le bamboo chicken, donc poulet bambou, ou le poulet des arbres, chicken of the trees, c'est les iguanes, c'est juste bien populaire en Amérique centrale. L'analyse des empreintes de main détermine, les analyses de tout ça ont déterminé que la plupart des peintures dans les caves, tu sais, dans le bon vieux temps, dans l'ancien temps où les gens faisaient des hiéroglyphes dans les caves et dans les cavernes, étaient faites par des adolescents, selon leurs empreintes de main. C'est ce qu'on nous dit. La dyssania, ou dyssania, dyssanie, bref, c'est l'état quand tu trouves ça difficile de sortir du lit le matin. T'es atteint de dyssanie, donc... Dites ça, je vais te prendre une dyssanie, tu vas à la cafétéria, je vais prendre une dyssanie, ils vont te donner une bouteille d'eau. Là, tu pourrais juste après ça te mettre à t'endormir. T'sais. Puis là, tu fais la blague, puis là, je suis pas même drôle. Le mot du jour, qu'est-ce que le wikisme? Wikisme, W-I-K-I-S-M-E. Si je l'ai traduit en français, il n'y a pas de en anglais. Hein? C'est une information qui dit être vraie, mais qui est complètement imprécise. Donc ça manque de précision, ça manque de... Il y a des choses qui sont pas vraies, c'est louche un peu. Donc c'est un peu comme c'est un fait, finalement, c'est du wikisme. Il y a beaucoup de gens qui chialent contre Wikipédia, disant que c'est des sources pas fiables. Excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, mais les sources sont toutes citées en bas de l'article, et elles sont d'habitude assez fiables. Donc, tu sais, faut relativiser, là, c'est pas complètement mauvais, faut pas baser son... Je sais pas sa thèse là-dessus, là, c'est sûr. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont vraies là-dessus. Et quand c'est faux, il y a tout le temps quelqu'un qui vient le corriger. Donc, moi, ceux qui chialent à outrance contre Wikipédia, je trouve qu'ils ont. C'est un petit peu prétentieux. À peine, mais tu sais, ça, c'est juste mon avis à moi. Dans une expérience, les scientifiques ont lancé 416 escargots. On a parlé d'escargots tantôt. Donc, ils en ont lancé 416 par-dessus un petit muret ou une clôture de jardin. Okay? La plupart des écureuils. Des escargots. Ça commence par. Par la même lettre. La plupart des escargots sont revenus de l'autre côté. Donc, il y en a même un escargot qui est revenu 17 fois de son côté d'origine. Donc, ils doivent être attachés à leur côté du muret. La Grande-Bretagne et les États-Unis s'éloignent l'une de l'autre. Ouais, ou l'un de l'autre, si on dit que c'est des pays, d'environ 5 cm par année. Hein, la planète bouge. Ensuite, tiens, allons-y plus en détail pour les prochains. Ça, c'était la rafale, le début de chronique, comme on le fait habituellement. Les dés datent d'encore plus loin que le langage écrit, finalement. Pourquoi est-ce qu'on l'utilisait dans ce temps-là? Je vais vous en parler un petit peu. Donc, le jeu de chance, qui est le dé, existe depuis avant même l'histoire, comme on dit, recorded history, donc l'histoire qu'on a pris en note, si on veut, parce qu'à un moment donné, les gens n'écrivaient pas l'histoire, puis quelqu'un, à un moment donné, a décidé « Hey, peut-être qu'on devrait prendre ça en note pour le futur! Hein? » Donc, le petit jeu de chance, et ça existe depuis avant même qu'on commence à écrire ces affaires-là. Personne n'est vraiment sûr d'où ça vient. Le plus vieux dé de toute l'existence, en tout cas, qu'on a découvert, qu'on a réussi à trouver, était en dessous de la Terre. Ça venait d'un ensemble d'un jeu de backgammon, vieux de 5000 ans, en Iran, dans le sud-est de l'Iran. Il y a aussi de l'évidence, des preuves, qui suggèrent en tout cas que ça vient d'un jeu qui provenait de l'Inde et que c'était même dans l'aventure épique hindoue Mahabharata, où un jeu de dés menait à une grande guerre. Les dés peuvent aussi être trouvés dans la Bible. On appelle ça « casting lots », dans la version anglophone, dans le psaume 22. Et aussi, c'est une forme d'amusement de jouer en Grèce. Les gens en Grèce aimaient tellement le gambling, donc les jeux de hasard, que des règles spéciales et des lois ont dû être mises en place pour l'empêcher, pour l'interdire, entre autres, le jeu du dé. Ensuite, il y a un type sanguin extrêmement rare. Et là, on parle pas du troisième dude dans le groupe sanguin, tu sais, les humoristes, qu'on ne s'appelle jamais son nom, pas l'autre, mais l'autre, ni l'autre. Donc, les gens qui ont le type, on va parler de sang et ça risque d'être compliqué. Donc, permettez-moi de vous dire à l'avance, de m'excuser à l'avance du fait que je vais probablement me perdre dans l'article parce que je l'ai lu ce matin. Il m'a un petit peu passé par le sur la tête. Je me suis dit, une fois rendu en direct, moi, juste, ça va parfaitement bien aller. T'sais. Donc, les gens, c'est rarement le cas. Donc, les gens qui ont un type sanguin A vont avoir l'antigène A. OK? Donc, A égale A. Les gens qui ont le type B vont avoir l'antigène B. On suit jusque-là. Alors que les gens qui ont le type sanguin AB ont les deux. Jusque-là, c'est très, très logique. Les gens qui ont le type O, eux, ont l'antigène H qu'on retrouve virtuellement dans toutes les cellules sanguines rouges. Et c'est ce qui construit la production des antigènes à l'intérieur du groupe sanguin ABO. Ça, c'est le grand groupe sanguin ABO. Il y a des gens qui ont une déficience ou un déficit d'antigène H. On appelle ça le H barre oblique H ou plus communément, on appelle ça le phénotype bombé. C'est très, très rare. Ça affecte environ une personne sur 10 000 en Inde, où ça a été découvert pour la première fois en 1952, et une personne sur 1 000 000 en Europe. Ce phénotype-là peut être la cause d'une confusion dans les tests de paternité, oui, parce que les gens... non seulement il leur manque l'antigène H, mais étant donné que c'est aussi la base pour l'antigène A et B, les gens qui ont le phénotype bombé n'auront pas ces antigènes non plus là. Ces antigènes-là non plus, voilà, si j'en fais ma phrase correctement. Donc pour cette raison-là, le type OH peut être mélangé ou confus avec... confus, ça se dit pas vraiment, mais mélangé avec le type O. Donc, qui, lui, n'a pas d'antigène A et B, mais qui a l'antigène H. OK, la parenthèse est finie, là, c'était un petit peu compliqué. Là. Donc, il n'y a pas d'inconvénient tant que ça. Il y a un inconvénient, mais c'est pas mortel d'avoir le phénotype bombé. Si vous êtes de ce type sanguin-là et que vous avez besoin d'une transfusion de sang, ils doivent en trouver une transfusion de quelqu'un qui a exactement le même type de sang que toi, donc le phénotype bombé. Étant donné qu'il n'y a pas l'antigène H, ils peuvent pas accepter le sang de type O. Étant donné que c'est super rare le type Bombay phénotype, donc le OH qu'on avait dit tantôt, OH, voilà. Donc souvent ils vont prendre une transfusion d'un membre de ta famille parce que c'est souvent c'est génétique et c'est héréditaire. Donc dans ta famille, t'as plus de chances de trouver quelqu'un qui a le même type de sang que toi si t'es dans ce groupe-là qui est, comme on a dit tantôt, une personne sur 1 000 000 en Europe et une personne sur 10 000 en Inde. Incroyable. Ces gens-là, par contre, ils sont peut-être malchanceux pour la réception, ils doivent trouver quelqu'un de leur famille, mais ils sont très, très chanceux côté donation, donc don, parce qu'ils peuvent donner à n'importe qui dans le groupe ABO, les gens qui ont le phénotype Bombay. Compliqué, mais extrêmement intéressant. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun, des articles comme ça. J'en ai besoin de plus. Tiens, parlant de gens qui ont le même type sanguin, un ensemble de jumeaux, un groupe de jumeaux, avait une vie tellement bizarre qu'ils ont décidé... c'est des jumelles, en fait. Donc, ils ont décidé qu'une devait mourir pour sauver la vie de l'autre. C'est June et Jennifer Gibbons, un groupe, un duo de jumelles identiques, né en 1963. Leurs parents étaient des immigrants de l'ouest de l'Inde et les jumelles ont grandi, elles étaient inséparables, mais elles avaient un petit problème oral, elles avaient de la misère à parler. Elles avaient un petit handicap de la parlotte, si on veut, donc c'était difficile pour elles de communiquer avec les autres. Elles étaient plus capables de parler entre elles-mêmes. Elles se faisaient évidemment achaler à l'école, intimider. Éventuellement, ils pouvaient seulement se comprendre l'une l'autre. Quand elles ont grandi, elles ont essayé d'écrire, dans le fond, d'écrire des livres, de faire un métier avec ça comme écrivaine. Mais ça n'a pas super bien fonctionné. Elles étaient désespérées par la célébrité et l'attention. Elles voulaient vraiment être des vedettes. Donc, elles ont commis une ribambelle de petits crimes. C'est donc mettre le feu à des endroits, des trucs comme ça. Des petits crimes qui sont pas super, super dangereux, qui n'ont pas tué personne, mais quand même des petits crimes pour essayer de se faire remarquer. Elles ont donc été amenées menées jusqu'à l'hôpital Broadmoor. C'était donc un asile, si on veut, un hôpital pour les personnes avec des problèmes psychologiques. Elles sont restées là pendant 14 ans. Pendant leur séjour à l'hôpital, elles sont devenues convaincues que c'était nécessaire pour elles de tuer une des deux. Donc, une des deux devait mourir. Éventuellement, Jennifer s'est sacrifiée. Hein, quand même, hein? Quelques heures après être sortie donc, de l'hôpital, Jennifer est morte d'une inflammation du cœur. Il n'y a aucune évidence par rapport à la drogue ou à des poisons, donc on ne sait pas si c'est vraiment, si elle est morte d'une façon ou d'une autre par elle-même ou si c'est seulement naturel. C'est ce que donc l'article nous dit, c'est quand elle est sortie de là, elle est morte d'une inflammation du cœur. C'est bien dommage pour ces deux filles, June et Jennifer Gibbons. June et Jan, nées en 1963. Si ton nom de famille inclut Fitz... On va saluer Simon Fitzbé, l'animateur d'Un genre de bleu les dimanches soirs et album classique les vendredis matins. Si ton nom de famille inclut Fitz, tes ancêtres pourraient peut-être être des rois, reines, royauté finalement. Donc il faudrait peut-être aller voir son arbre généalogique. Si ton nom de famille commence par Fitz, donc tu pourrais avoir quelque chose en commun avec Game of Thrones, entre autres, Trône de Fer. Si tu sors ton arbre généalogique et tu regardes un petit peu l'historique royal, tes ancêtres étaient peut-être, en fait, peut-être que tes ancêtres étaient des fils bâtards de royauté. C'est ça la chose, c'est du bâtard, hein? Comme un chat bâtard, un chien bâtard. Donc le mot Fitz vient du français normand, du français normand, c'est une sorte de français, hein? Qui veut dire fils de. Ça vient du terme latin filius, qui veut dire fils. L'origine du nom de famille vient d'une société, d'un groupe de gens, bref, qui étaient propriétaires de terres et qui adoptaient le nom du manoir principal où ils vivaient. Okay, donc, certains guerriers n'avaient pas de terre. Par contre, ils faisaient partie d'une famille, ils faisaient partie d'une famille obscure, qui n'était pas donc royauté. Le nom Fitz était donné au nom des pères des guerriers, qui, dans le fond, pour leur donner un nom de famille à eux et à leurs descendants. C'est des gens qui n'avaient pas, en tant que tels, de nom de famille. On a aussi opté en là, je ne sais pas c'est quoi, Norse, N-O-R-S, hein? Peut-être un pays, je sais pas. Bref, je m'excuse pour ce petit fait-là ici. Donc, ils ont opté, eux, pour la méthode scandinave en ajoutant « son » à la fin du nom du père pour identifier leur nom de famille. Si un enfant avait un titre impressionnant, comme on dit, ou encore une mère qui était importante, le mot « Fitz » est utilisé à la place du mot de la syllabe « son » à la fin du suffixe. Plus tard, ces surnoms-là ont commencé à signifier les enfants illégitimes des princes royaux. Donc, c'est ça, c'est dans le fond, comme on l'a dit au début, un petit peu un nom qui provient de bâtard. Eh bien, intéressant. Et très complexe, c'est pour ça que je ne suis pas en histoire et que d'habitude, les articles d'histoire, je les flush puis je les fais pas parce qu'il y a des affaires que je comprends pas. Mais gars, je suis de même. Hein? Ensuite, tiens, je voulais en parler. Bon, on parle de sport maintenant. Un autre sujet que je connais pas trop. Donc, je m'aventure dans des choses que je connais pas et j'essaie d'en apprendre autant que vous. Hein? Je l'ai dit dans la chanson au début. Là, prenez pas ça trop au sérieux. Là, c'est des choses que vous savez pas et des choses que moi-même je sais pas. Donc, j'essaie d'apprendre autant que vous. Là. C'est pas moi qui vous enseigne quelque chose. J'apprends en même temps. Donc, à l'international, c'est devenu une grosse mode de nommer ces équipes sportives en hommage à des corporations hein, qui vont les commanditer. C'est pas aussi acceptable dans le sport américain. Par contre, la réaction américaine au nouveau nom des New York Red Bulls, donc on a nommé évidemment cette équipe de sport-là par rapport à la boisson énergétique, donc ça a reçu évidemment des réactions... disons partagé sur les sites comme Twitter. Donc, à l'échelle internationale, il y a plusieurs exemples d'équipes qui sont nommées d'après des corporations, comme les Bayer Leverkusen en Allemagne. C'est nommé en l'honneur de la compagnie qui fabrique aspirine, évidemment, Bayer. PSV Eindhoven de Hollande, qui est nommé pour Philips Electronics. L'équipe de basketball professionnel coréenne, qui a 9 franchises partout au pays. Et toutes les équipes sont nommées d'après des compagnies ou des conglomérats d'entreprises qui en sont propriétaires. À l'Afrique du Sud, une équipe de rugby provinciale nommée Vodacom Bulls, parce qu'ils sont commencés par la compagnie téléphone cellulaire Vodacom. Et même chose pour l'équipe de cricket sud-africaine, les Chevrolet Warriors, évidemment commencée par l'équipe par la compagnie de voitures. Les équipes de sport souvent vont vendre leur nom pour augmenter les revenus. Évidemment, c'est souvent pas apprécié par les organisations sportives. L'UEFA, d'ailleurs, qui bannit les noms de commanditaires pour qu'ils soient utilisés, dans le fond, pour pas qu'ils soient utilisés comme nom d'équipe. UEFA, qui est évidemment, comme tout le monde le sait, l'Union des associations européennes de football, bien sûr. Je savais ça, bien sûr. Une dame à la cafétéria, on parle d'une chef, C-H-E-F-F-E, probablement, de cafétéria, qui a dû changer son menu parce que sa nourriture était trop bonne. On s'attend pas à ça de nouvelles, quand même. Donc, c'est une dame de cafétéria, donc suédoise, dans une école au centre de la Suède, qui a dû changer son menu parce que c'était trop bon. C'était injuste pour les autres écoles qui ne pouvaient pas manger donc sa nourriture qui était de haut calibre. La dame dit que la nourriture n'ajoutait pas de dépenses à la municipalité, donc elle réussissait à faire de bons plats avec les ingrédients, avec le même montant d'argent qu'elle était supposée avoir, dans le fond. Par contre, son pain était fait maison et lui va être remplacé malheureusement par du pain acheté au magasin, tout ce qu'il y a de plus cheap avec les tranches super minces, comme un cafétéria ici. Là, j'ai jamais vu du pain mince de même. C'est marqué pain épais en plus dessus, je comprends pas. Le buffet de légumes va être coupé de moitié. Malheureusement, cette dame-là donc réussissait à faire manger des légumes aux enfants. Ils aimaient ça. Et ils vont revenir à une demi-dose de légumes. Entre drôle de décision. C'est donc en Suède que ça se passe. On a même pas son nom, rien. J'aurais aimé la saluer. Un épisode de South Park qui parlait du syndrome Gilles de la Tourette, le syndrome de la Tourette, comme on l'appelle souvent, a été diffusé. Et la réponse de la Tourette Syndrome Association pourrait quand même vous surprendre. Avant le 8e épisode de la saison 11 de South Park, l'association Tourette Syndrome Association, la TSC, a sorti un petit communiqué de presse avertissant le public qu'ils croyaient, eux, dans le fond la TSA, que l'épisode serait méchant envers les gens qui ont le syndrome de Tourette. Ils ont même dit, je cite, « Nous sommes surpris que ça a pris aux créateurs aussi longtemps avant d'utiliser le syndrome de Tourette pour faire rire le monde, étant donné que l'émission, dans cette émission-là, aucun handicap, maladie ou sujet controversé est hors limite pour eux. Donc, ça les a surpris qu'on se rende jusqu'à la saison 11 avant d'en parler. » Bref, l'épisode était nommé « Le Petit Tourette » parce que, bon, en anglais, le féminin et le masculin, on comprend pas trop ça, donc ils l'ont appelé en anglais « Le Petit Tourette ». Peut-être qu'on pourrait dire que c'est le petit que la Tourette, je sais pas. Donc, Cartman fait semblant, vous avez peut-être déjà vu l'épisode, le Cartman fait semblant d'avoir le syndrome de Tourette pour pouvoir dire ce qu'il veut en public sans se faire chialer après. Même qu'il crie des choses super vulgaires, anti-sémites, envers les parents de Carl qui sont juifs, j'imagine. En plus, il réussit à convaincre sa mère et les docteurs qu'il a vraiment le syndrome de Tourette et l'école donc doit excuser son comportement. À la fin, par contre, il commence à développer un vrai tic. Il commence à dire la vérité sur tout, dont le fait qu'il mouille son lit. Et finalement, ça va le guérir de son tic à la fin. Après la diffusion de l'épisode, la Tourette Syndrome Association a dit, et je cite, « L'épisode était surprenamment très bien recherché. L'accent, d'habitude on dit l'emphase en français, en mauvais français, ça se dit pas. L'accent est mis un petit peu sur, dans leur citation, j'essaie de les citer comme il faut. L'accent est hautement exagéré sur la coprolalie, que c'est les jurons incontrôlables. Mais par contre, pour le téléspectateur attentif, c'est toujours dans la citation ici, pour le téléspectateur attentif, il y avait beaucoup de choses à apprendre dans cet épisode, Le Petit Tourette. Donc, tu vois, l'association du syndrome de Tourette était contente de l'épisode. Mais c'est ça la chose avec Trey Parker et Matt Stone. Matt Parker, Trey Stone? Je me rappelle jamais de quel nom va avec lequel. Trey Parker et Matt Stone, voilà. Sont justement comme ça, ils chialent contre tout le monde, mais tout le temps avec des faits. Ils vont vraiment faire leur recherche pour tout le temps trouver une façon de rire de tout le monde, mais pour des choses qui sont, la plupart du temps, en tout cas, il me semble vrai. Je les applaudis pour ça, South Park. C'est pas mal une coche au-dessus de bien d'autres dessins animés que je n'aimerais pas. Les autres sont bien divertissants. Hein? Ferme les gars, mettons. En tout cas. Une femme, parlons de McDonald's. Hein, on change de sujet là. Complètement. Une femme nommée June Martino. Est devenue la personne qui s'occupait des comptes, des finances pour Ray Kroc, le fondateur de McDonald's. Mais éventuellement, elle a monté dans les échelons et elle a commencé à être propriétaire en partie de la corporation. En 1955, cette dame a commencé à travailler au premier McDonald's de Des Plaines en Iowa. Plus tard, elle est devenue talent scout pour la compagnie. Ça, c'est la personne qui cherche les talents pour venir travailler chez McDonald's. C'est un énorme talent, probablement. McDonald's, donc, est devenue publique, une compagnie publique en 1965. Ray Kroc, qui voulait montrer sa gratitude par rapport aux longues heures et au dur travail et le très peu d'argent qu'elle a fait au début de sa carrière, il l'a récompensé avec ce qu'on appelle un equity interest, donc une part de la compagnie. Donc, June a pu encaisser 300 000 $ en 1965. C'est l'équivalent d'1,7 million de $ dans l'argent d'aujourd'hui. Le reste de son argent, c'était 5 millions ou 28 millions lorsqu'ajusté pour l'inflation. Her remaining holdings, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bref, elle a fait beaucoup d'argent, plusieurs millions de dollars. Donc, travailler fort pour June Martino, ça a fonctionné. Donc, vous aussi qui travaillez peut-être dans un emploi comme celui-là, vous pouvez peut-être oser espérer un jour monter. Mais en même temps, tu ne monteras pas tout seul, il faut que tu essaies de monter. Voilà, c'est la morale. C'est cute. Hein? Ensuite, on parle de vodka. Ah, qu'est-ce qui va mieux avec un hamburger que de la vodka? La vodka la plus piquante au monde est tellement piquante que ses fabricants insistent à ce que vous ne l'achetiez pas. Selon le site web, donc la vodka la plus piquante du monde est faite de ce qu'on appelle les Naga Chili Peppers, donc c'est des poivrons chili Naga. La vodka elle-même est mesurée à 250 000 Scoville, qui est une unité de mesure pour coter justement qu'est-ce qui est piquant. 250 000 Scoville, c'est aussi son nom à cette vodka-là, et en fait, cette vodka-là en particulier est tellement piquante qu'elle vient dans une bouteille avec un seau industriel, un fil de plomb, un seau de sécurité de plomb avec un crâne et des os croisés comme les pirates. Si vous n'êtes toujours pas convaincu de la piquantité, de ce produit-là, on recommande à ce que la bouteille soit coupée pour l'ouvrir avec le fil. Il y a un fil inclus, un fil wire cutter. Wire cutter, c'est pas un fil, ça. C'est un coupe-fil. Donc, on recommande de l'ouvrir avec ça et non pas avec les mains. Et les fabricants de la vodka la plus piquante du monde suggèrent de ne pas l'acheter du tout. Les acheteurs sont avertis et doivent comprendre, ces acheteurs-là, que boire cette vodka-là pourrait amener des risques pour votre santé. Le manufacturier et les fabricants ne sont pas responsables pour les dommages ou la mauvaise utilisation de cette célèbre boisson qui coûte par bouteille $55.29 américains. Quand même, la compagnie te dit de pas l'acheter. Je me demande combien ils en vendent par année. Sûrement comme petite blague, une fois de temps en temps. Peut-être à tes amis, tu leur fais essayer ça. Qu'est-ce que tu fais pour calmer ta bouche après ça? Je pense que se mettre la bouche sur le pied d'une vache te donnera pas assez de lait pour calmer la piquantaison de cette vodka. Quelque chose de très puissant, autant que de la vodka, c'est de la super glue, hein, de la super colle qui peut être utilisée pour fermer des plaies. Et là, évidemment, on dit de ne pas l'essayer à la maison, un peu comme pour la vodka. Donc, Superglue peut être utilisé pour fermer des plaies, c'est bien vrai. Ça a été utilisé pour cette raison-là pendant la guerre du Vietnam. Les médecins utilisaient ça pour fermer les blessures des soldats rapidement pour qu'ils puissent retourner au champ de bataille. Évidemment, tu viens de te faire super mal, ferme la plaie, retourne-y, bonhomme! Ah ouais, fais ta job pour ton pays. C'était tellement utile pour empêcher les saignements que ça a été crédité. Dans le fond, on remercie l'existence de cette super colle qui aurait apparemment sauvé beaucoup de vies à l'époque. Aujourd'hui, plusieurs utilisent cette colle-là pour exactement ça, dont les vétérinaires et les athlètes professionnels. Serrer une petite plaie comme une coupeur de papier, mettons, sur le doigt, quelque chose comme ça, avec le super colle peut réduire la douleur, peut rapidement arrêter le saignement et peut même réduire les cicatrices. Les experts, par contre, disent de ne pas utiliser de colle pour les plaies parce que ça peut causer de l'irritation et ça peut mener à d'autres effets secondaires qui seraient peut-être pas super bons pour vous. À la place, on vous conseille quelque chose de similaire à de la supercolle qui s'appelle le Dermabond, qui est une alternative plus sécuritaire à la supercolle et ça a reçu l'acceptation de la Food and Drug Administration aux États-Unis pour justement fermer les plaies. Ça s'appelle Dermabond, D-E-R-M-A-B-O-N-D. Intéressant. Et le dernier, on reste dans la médecine presque, ou en tout cas dans la salle de bain, dans la pharmacie. Les Q-tips qui à l'époque s'appelaient les Baby Gaze. On a déjà mentionné ce fait-là en bref en disant seulement le nom. J'ai des explications enfin qui m'intéressaient depuis ce moment-là. Moi, des fois, quand il y a des faits en rafale en début de chronique, j'ai hâte qu'un jour ils sortent une explication plus complète. Donc, les Q-tips, c'est un produit évidemment qu'on retrouve dans toutes les pharmacies, la plupart des maisons en Amérique du Nord. L'idée des Q-tips est sortie en 1923. C'est Leo Gerzenstein, qui a remarqué que sa femme appliquait du rouge à lèvres sur ses lèvres en prenant un cure-dent et en mettant des morceaux de coton de chaque côté. Donc il a vu ça, il s'est dit, attends un peu, elle va se blesser, là, elle va se piquer la lèvre avec son cure-dent, là, c'est pas sécuritaire du tout. Donc Gerzenstein a fabriqué sa nouvelle idée. Il a commencé, il a débuté, il a démarré son entreprise en faisant des produits de soins pour bébés. Il savait que les mères partout au pays allaient adorer ces produits pour appliquer du maquillage, entre autres, nettoyer les petites crevasses sur leurs bébés. Je sais pas si de maquillage, c'est pour leur bébé. Je pense que c'est plus pour elle. Mais les crevasses. Ah, je me rappelle jamais crevasses. Ah, regarde. Les orifices et autres de leur bébé. Donc, il a sorti ces petits bouts-là de plastique. Ou, ben, je sais pas si c'était en plastique au début. Mais bon, il a appelé ça des baby gays. À l'époque, gay, ça voulait pas dire homosexuel. Ça voulait dire heureux, évidemment. Hein, ça veut encore dire ça aujourd'hui, mais on l'utilise plus vraiment comme ça. En 1926, Gerstensen a renommé son produit Q-Tip Baby Gays. Et le Q représentait le Q, la lettre représentait la qualité du produit et le tip faisait référence au bout de coton de chaque côté, bien sûr. Donc, c'est devenu une marque très, très connue. Les gens ont commencé à arrêter de dire Q-Tip Baby Gaze. Ils ont commencé à dire Q-Tips parce que c'était le début. Si ça avait été nommé Baby Gaze Q-Tips, probablement que les gens auraient lâché Q-Tips puis ils auraient commencé à appeler ça Baby Gaze. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. On fait Q-Tip Baby Gaze. On s'est resté avec Q-Tip. Voilà pour C'est un fait. En ce début d'assemblage requis. Tout à l'heure, on fera King Sexy Time, la chronique qui ressemble pas mal à cet effet, mais qui est plus osée, si on veut. Mais avant ça, on va entendre une petite pièce musicale. Je vous ai promis du Kaiser Chiefs tantôt. Les voici avec Factory Gates sur C'est fou 89 FM. Vous êtes à Assemblage requis. L'émission en pièces détachées. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. C'était Fondeur Ami, la pièce forcée au quitter à l'assemblage requis. Attention, le fait, c'est un fait. C'était bien le fun, mais c'était pas assez sexy pour moi. Donc, on va faire la même chose, mais plus sexy. Voici Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, mais dans le domaine sexuel, ça s'adresse à un public plus ou moins averti, bien sûr. Pas une super longue chronique aujourd'hui, donc allons-y avec une rafale pour commencer. Le condom moyen mesure 0,07 mm d'épais. 0,07, ça ressemble pas mal à une mine de crayon, ça, je pense. 0,07, il me semble que oui. La culture aztèque, au départ, au tout début de la culture aztèque, les avocats. On parle du fruit, du légume. Voyons donc, je veux dire fruit, légume. Étaient considérés tellement puissants sexuellement, les vierges n'avaient pas le droit d'entrer en contact avec les avocats. Avant de s'appeler AIDS, le sida, en anglais, la maladie attrapée par causée par le VIH, elle s'appelait GRID, Gay-Related Immune Deficiency. Non? Relié à l'homosexualité, bien sûr, à l'époque. Tiens, ça c'est mignon, ça c'est un conseil, on aurait quasiment pu mettre ça dans les instructions d'assemblage, mais ça a rapport avec le sexe, donc ben, le sexe, les relations plus. Textez la personne que vous aimez, hein, après qu'elle se soit endormie, et décrivez en détail complet tout ce que vous aimez chez elle. Elle va se réveiller avec un beau petit sourire dans la face. Ça va faire un beau petit matin pour elle et ensuite un beau petit soir peut-être pour vous. Hein. Mais faut pas faire ça seulement pour soi, faut faire ça pour l'autre. Les relations sexuelles, c'est un des sports les plus sécuritaires qu'on peut pratiquer. Ça étire et ça remet en forme à peu près chaque muscle de ton corps. Donc prenez ça en note. Rien de nouveau là-dedans, bien sûr. Personne veut entendre ça, mais souvent, la personne que vous voulez le plus est la personne sans qui vous êtes mieux. Donc, des fois, on veut courir après la personne, après une personne, alors que cette personne-là ne serait pas bonne pour nous. Faites attention. Les lubrifiants à base d'eau, c'est ceux qui ressemblent le plus, selon un sondage, en fait, à la lubrification naturelle de la femme. Donc, les lubrifiants à base d'eau, et non pas les lubrifiants à base d'huile et un paquet d'autres affaires comme ça. Il y a un paquet de choses. Donc, allez-y plus avec l'eau. Les études nous apprennent que les relations sexuelles par rapport à un lubrifiant, tiens, celle qui inclut un lubrifiant, faisait plus de plaisir et avait donc ça donnait une relation plus satisfaisante. Que ce soit les relations sexuelles ou la masturbation. Donc, un lubrifiant toujours approprié dans toutes les situations. Encore une fois, allez-y avec un lubrifiant à base d'eau. Même si des fois, tu sais, ça a tendance à devenir plus sec, mais magasinez les marques. Parce qu'il y en a des vraiment pas mal meilleurs que d'autres. Tu sais, quand vous pensez, le réflexe c'est tout le temps d'aller dans le KY. Non, c'est pas mal celle qui fait le plus de gommage, nous disent les recherches sur Internet. Donc, allez-y avec d'autres sortes, style Astroglide. En 1978, Rodney Alcala a été accepté comme participant à l'émission de Dating Game. C'est un genre de coup de foudre, si on veut, de l'époque. Même s'il était un violeur qui avait été accusé et trouvé coupable. C'est vrai. Donc, Rodney Alcala était un participant à l'émission de Dating Game, une émission un quiz télévisé populaire matchait, si on veut, accouplait des étrangers pour un rendez-vous basé sur des questions et réponses par rapport à leur propre vie. Les producteurs n'avaient pas réalisé que Alcala était non seulement un registered sex offender, donc un délinquant sexuel enregistré, ainsi qu'un violeur qui avait été trouvé coupable de ce crime, mais possiblement était aussi en train de tuer plein de gens. Il était en plein milieu d'un genre de massacre, si on veut. Donc, quand l'information a finalement réussi à sortir et que Alcala a été attrapé, le média a commencé à le nommer le Dating Game Killer, donc le tueur du coup de foudre, si on veut. Lorsqu'elle a été présentée à l'émission, lors de la diffusion originale, l'animateur Jim Lange, je pense, l'a présenté comme un photographe à succès. Donc, j'imagine que c'est ce qu'il avait mis sur sa petite feuille d'inscription. Après son arrestation, ils ont trouvé des milliers de photographies de femmes et d'adolescents dans des poses sexuelles. Donc, vraiment, oui, c'était un photographe à succès. Il n'y a aucun mensonge là-dedans. Les enquêteurs croient que plusieurs de ces personnes-là, c'est un petit peu moins drôle ici, mais que plusieurs de ces personnes-là ont été des victimes de cet homme. Encore plus, donc si on va encore plus loin, les enquêteurs ont réussi à faire plaider coupable Alcala au meurtre de deux femmes en Californie et deux autres à New York. Ces deux-là ont eu lieu avant l'enregistrement du jeu télévisé. On estime que le nombre de gens qu'il a tué pourrait aller entre 50 et 130 personnes. Ironiquement, Alcala a gagné son match à coup de foudre. C'est la question que tout le monde se pose dans cet article-là, évidemment. Il a gagné donc le rendez-vous, la date avec la femme de Dating Game. Par contre, la femme a refusé d'aller sortir avec lui. Elle l'a décrit comme étant creepy, juste épeurant. Les enquêteurs disent que ce rejet-là a peut-être même mené à la mort de trois autres femmes juste après l'enregistrement de l'émission. Donc, c'est vraiment très, très malheureux. Cet homme-là s'appelle Rodney Alcala, A-L-C-A-L-A. L'empereur romain Tibérius, d'accord, allait chercher des petits bébés. Il demandait à leur mère de faire allaiter, si on veut, son engin masculin à la place du sein de sa mère. Donc, Tibérius était un empereur romain en 14 AD. AD, c'est... il me semble que c'est avant. Hein? Je suis jamais certain. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref, 14 AD jusqu'à sa mort en 37 AD. Il était reconnu pour son côté un petit peu pervers, lugubre, louche, sombre et même cheap, radin. Lorsqu'il avait besoin d'être sexuellement stimulé, Tibérius appelait des mères pour qu'elles amènent leur petit bébé bien en santé. Il abusait donc de ses pouvoirs et profitait de ses pauvres bébés et de leur mère en faisant sucer vous savez quoi par vous savez quoi. c'est un petit peu délicat comme sujet. Je pourrais aussi enlever la sonnerie de mon téléphone, ça serait moins facile. Donc malheureusement, c'était pas le seul cas d'abus envers les enfants qu'il a eu. Il a aussi attiré deux jeunes garçons qui étaient frères. Donc dans sa chambre à coucher, il a commencé à les violer. Et les garçons, évidemment, criaient. Manifestaient leur ennui ici. Donc son arrogance à M. Tibérius a fait qu'il a cassé les jambes des gars pour leur apprendre une leçon en 37 AD. Donc on a annoncé à la foule que Tibérius était finalement mort. La foule a évidemment commencé à applaudir, à crier, yé, yé, yé. Par contre, quelques moments plus tard, on a annoncé qu'il s'était remis de sa mort. T'sais, il avait guéri de sa mort, ça arrive des fois, par chance. Donc la foule est redevenue triste jusqu'à une autre annonce qui a été faite. Ses amis Caligula et Marco l'avaient empêché de respirer, donc l'avaient smothered, le genre écrasé à la face pour qu'elle l'empêche de respirer. Et finalement, donc, il est mort, notre ami Tibérius. Donc au moins, ça finit relativement bien. Au moins, tu sais, il a comme arrêté ce qu'il faisait. C'était pas très, très sympathique tout ça. Un film d'horreur, oui, et pornographique en plus, donc horreur pornographique, nommé Six Culas, a été fabriqué au Canada pour réussir à avoir des crédits d'impôt. Donc, pour encourager les films canadiens et améliorer l'industrie l'industrie cinématographique au Canada, les gens qui s'occupent de ça ont implanté une nouvelle loi à l'époque qui disait qu'il y avait un 100% capital cost allowance. Donc, ils remboursaient bien des choses. Si je comprends bien, ça doit être 100%. Du coup, j'imagine qu'ils étaient remboursés. Sur n'importe quel investissement de film fait dans le pays. Donc, pour recevoir le crédit d'impôt, le film devait avoir un minimum de 90 minutes de durée. Donc, Clarence Neufeld, un producteur riche, a décidé de tirer profit, de profiter de cette offre-là et a créé son propre film. Il y avait une idée pour un film d'horreur. Et après avoir jonglé plusieurs idées, il a décidé de faire un film super pornographique et coté X. Donc, le film mettait en vedette une comtesse qui créait un robot sexuel nommé Frank. Et ensuite, elle appelait sa cousine, j'imagine que c'est ça, non, peut-être son cousin, Sexcula. Comme Dracula, pour l'aider à agacer et à allumer sexuellement, si on veut, ce robot sexuel-là. Donc, le scénario du film est un petit peu n'importe quoi selon les critiques. Je pense que c'est assez évident. Il y a des scènes avec des parties de sexe, des danseuses et même des gorilles. Donc, c'est évidemment, on demandait à ce que le film dure 90 minutes minimum. En 1974, quand on a complété le film, la seule bobine a été diffusée une seule fois. Neufeld a essayé de vendre son film, mais il n'a pas réussi à cause de la popularité de la pornographie aux États-Unis. Donc, je ne sais pas pourquoi, à cause de la pornographie aux États-Unis, ça n'a pas réussi à se vendre. C'est peut-être parce que la pornographie canadienne était moins populaire. Donc, Neufeld a été incapable de vendre son film. Ce film a été archivé par les Archives nationales du Canada. Neufeld était très content quand même que son film ne sorte pas, hein, parce que la récompense qu'il voulait, c'était vraiment seulement le crédit d'impôt. Donc le film en a valu la chandelle à cause de ça. Il ne savait pas, par contre, petit fait intéressant à la fin, si il ne savait pas que 40 ans plus tard, le film serait redécouvert dans les Archives nationales, probablement du Canada, et il est maintenant disponible sur DVD. Sexcula, c'est bien le nom du film, je pensais que c'était juste le nom du personnage, mais oui, c'est bien le film perdu de 1974, adulte et horreur en même temps. Sexcula, c'est succulent. Pour augmenter ton stamina, c'est de l'endurance, hein, l'équipe olympienne chinoise buvait ce qu'on appelait en fait un liquide d'engin masculin d'un certain animal, donc le pizzle. Le pizzle, c'est un vieux mot, un mot du vieil anglais qui veut dire pénis, qui est toujours utilisé entre autres par les peuples de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie de nos jours. Mais ça faisait surtout référence à l'époque. Non, en fait, ils l'utilisent toujours en ce moment aujourd'hui pour faire référence à l'engin masculin d'un animal. Voilà. Donc, l'utilisation la plus commune du pizzle, c'est quand on parle de bonbons pour chiens. Des petites gâteries pour chiens. Des pénis d'animaux sont séchés comme n'importe quelle autre viande. On fait un genre de jerky, si on veut. Donc, c'est communément utilisé dans les friandises pour chiens, comme j'ai dit, à cause de la valeur nutritive. Le pizzle est faible en cholestérol, à teneur élevée en protéines, en hormones, en vitamines, en minéraux, spécifiquement le calcium et le magnésium. Dû à tous ces avantages nutritifs-là, les humains consomment aussi du pizzle. Lorsque c'est consommé par des humains, le pizzle est souvent congelé ou séché, mais peut aussi être liquéfié et aussi utilisé dans des soupes. D'ailleurs, pendant les Olympiques d'été de 2008, l'équipe olympique chinoise buvait ce qu'on appelle du Scottish Deer Pizzle, donc d'orignal deer. À chaque fois, je pose la question parce que je me rappelle jamais. Puis quand JP est là, il me corrige. Il me semble que c'est orignal, mais bon. C'est un de ces animaux-là, du bois. En faisant ça, ils pensaient que ça allait augmenter leur endurance lors des Olympiques pour qu'ils puissent rester actifs pendant une plus longue période de temps. L'histoire ne dit pas si ça fonctionne. Ensuite, on va y aller avec un dernier, tiens. Parce que j'aimerais faire celui-là, je le trouve intéressant, mais je me rappelle pas. Colonial Era, qu'est-ce que c'est en français? L'ère coloniale? Je veux pas dire n'importe quoi non plus. Bref. Le colonialisme. Colonialisme français. D'accord. On va aller avec ça. À l'époque coloniale. Donc, la scène des sorties et des relations de couple à cette époque-là, coloniale, elle était très différente du présent. C'était très difficile pour... ça fait vraiment longtemps de ça. C'était difficile pour les gens de sortir ensemble, de se faire la cour, si on veut. Donc, quand, évidemment, les gens étaient souvent à un village de distance dans une autre ville à plusieurs jours de marche. Donc, pour sauver du temps, pour économiser de l'argent, on faisait ce qu'on appelle le bundling. Le bundling, donc, c'est quand les parents arrangeaient un genre de party pyjama dans la maison d'une jeune fille. Avec le jeune homme avec qui elle sortait ou avec qu'elle fréquentait, si on veut. Donc, les parents mettaient les enfants, mais disaient aux enfants d'aller dans le lit, mais leur corps ne pouvait pas se toucher. Dans certains cas, ils mettaient même une planche de bois entre les deux. C'était pour s'assurer que leur mariage potentiel puisse fonctionner avec la discussion, c'est pour qu'ils aient quelque chose à se dire. Est-ce que la relation fonctionne bien au côté psychologique, mental, plus que du côté physique pour commencer? Évidemment, il n'y avait pas de téléphone ou rien à l'époque pour se contacter, donc les personnes vivaient souvent plusieurs jours de distance à pied. Ça coûtait cher de faire le voyage comme ça. Donc les parents se disaient que s'ils pouvaient dormir dans le même lit, ils pouvaient parler, être forcés à être intimes sans avoir des relations pré-mariage. Donc, le bundling, c'était quand même controversé à l'époque. Je parle complètement à travers mon chapeau, je fais que lire l'article ici, mais c'était controversé à l'époque parce qu'ils trouvaient ça... les gens étaient tellement conservateurs qu'ils trouvaient ça beaucoup trop... aller trop loin, si on veut. Certaines places voyaient même le bundling comme quelque chose de répréhensible, donc ils ont banni ça. Par exemple, à Boston, on n'a pas le droit de faire le bundling, alors que d'autres endroits trouvaient ça innocent et que c'était juste pour jouer. Donc, Colonial Era... sur l'histoire coloniale de l'Amérique, évidemment, là. Vous connaissez tous ça. Ah, les fans d'histoire aujourd'hui vont me trouver vraiment, vraiment poche, mais j'ai aucune idée de quoi je parle. Ça a l'air d'être au 16e siècle. 16e siècle. On va terminer avec un dernier, j'espère, parce que celui-là va être un petit peu meilleur côté fait véridique. Ici, au moins, on a compris l'esprit du précédent fait. Donc, après une recherche publiée, on nous dit que les hommes sont plus attirés par les femmes qui ont une voix plus aiguë. Et un groupe de chercheurs, ça c'est une étude qui était déjà sortie, OK? Et là, un groupe de chercheurs a essayé de prouver le contraire, que les femmes utilisaient une voix plus aiguë lorsqu'elles parlaient à des hommes envers lesquels elles étaient attirées. Donc, on a montré à des femmes une série de photos d'hommes qui avaient soit un visage plus masculin ou un visage plus féminin, donc des expressions dans leur face, et on leur demandait qu'est-ce qu'ils préféraient. Qu'est-ce qu'elles préféraient, ces femmes-là? On leur a aussi demandé d'enregistrer un message qui disait, et je cite, « Bonjour, on s'est rencontrés dans un bar hier. Je t'appelais pour voir si tu voulais qu'on sorte ensemble un jour. Rappelle-moi. » OK, ce message-là, fin de la citation. Très belle voix féminine ici. Donc, après leur avoir montré soit un visage plus masculin ou plus féminin d'un homme, on leur demandait d'enregistrer ce message-là. Donc, vous voyez le principe, la femme voyait un visage plus masculin, plus féminin et devait enregistrer la voix. Donc, ce qu'on a découvert... c'est que les femmes préféraient des visages plus masculins. Les femmes qui préféraient un visage plus masculin utilisaient une voix plus aiguë pour enregistrer leur message, donc après qu'on leur ait montré un visage masculin qu'elles préféraient. Les femmes qui préféraient des visages plus féminins, ça arrive, il y a des femmes qui préfèrent des visages plus féminins, elles utilisaient aussi une voix plus aiguë. Donc, en fond, ça va avec l'attirance envers la personne. Et non pas par rapport au visage. Dans le fond, faut que ce soit ce que t'aimes qu'on te montre. Leur conclusion est que donc la voix... le pitch qu'on appelle, donc la note ou la fréquence de voix qu'on utilise, est un signal sexuel et les femmes ont tendance à utiliser une voix plus aiguë lorsqu'elles parlent à quelqu'un envers qui elles sont attirées. Voilà, c'est le résumé de ça. Je pense que je m'en suis bien sorti. Pour un autre Kinky Sexy Time, on fait ça en deuxième demi-heure à Assemblage Requis tout l'été. Voilà, tous les liens sur assemblagerequis.com. Évidemment, toutes les sources, là, quand vous dites ça se peut pas, ça c'est n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Allez voir la source dans chaque article. En bas de l'article au complet, il y a le mot « source » qui mène vers une place un petit peu plus renseignée que moi-même. Voilà. C'est la fin de cette heure d'Assemblage Requis, notre première heure. On va être de retour pour une deuxième pour commencer, hein, une deuxième et ensuite une troisième dans l'ordre. Tout à l'heure, dans la deuxième partie, deuxième heure, on va avoir entre autres la chronique de gadgets inutiles, ça existe, mais ça ne répond là. On va aussi faire les instructions d'assemblage pour essayer de mieux vivre un petit peu. Si vous avez peut-être plus de temps libre l'été, où il fait plus beau dehors, vous voulez peut-être partir des projets, construire des choses, on va vous dire comment faire ça, des petites recettes des fois, des trucs beauté, tout ça dans les instructions d'assemblage dans une demi-heure environ. Avant ça, des gadgets inutiles. Mais pour l'instant, ceci! Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. retour, c'est toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 19 mai 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette heure, on fera 5 semaines, ça devrait répondre là tantôt. Vraiment, ça s'en vient dans quelques minutes. On va sortir la carte de crédit prépayée. Parce que c'est toujours mieux que de vivre sur le crédit, hein? C'est ce que j'apprends avec le temps. mais avant ça, une petite chanson de Walrus. Écoute, banger sur C'est fou. 89 FM! Ouais. Prépayé, c'est la vie. C'est Banger, 8e position anglophone, précédé de Fontarabie et la pièce Forcée ou Quittée, et qu'on a entendu plus tôt. En fait, je pense qu'on l'a pas entendu dans le même bloc, donc ça fait un bout de ça, là. Mais bon, prenez-en pas note. Ça nous amène à acheter des choses. Tu sais, prenez-en pas note. Ça, prenez-en note. Il y a plein d'affaires à acheter là-dedans, ça va valoir la peine. Je suis sûr que vous allez trouver des deals quelque part. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets inutiles, complètement inutiles. Les liens sont sur assemblagerequis.com, donc suivez avec moi si vous en avez envie. Là. Sinon, j'essaie de vous décrire ça le mieux possible. Commençons au Japon avec des biscuits Japanese F-Cup Cookies qui sont supposés faire grossir les seins. Évidemment, on dit de ne pas trop en manger parce que sinon ça va causer des problèmes de dos. C'est un secret complètement pas prouvé scientifiquement. Un ingrédient qu'on appelle Puerilla Mirifica. Il y en a 50 mg d'extrait par biscuit. Et le Puerilla Mirifica, supposément, présumément, que ça fait grossir les seins et ça fait augmenter aussi la pilosité. Donc, pour les femmes qui ont toujours rêvé d'avoir de gros seins ainsi qu'une barbe, je ne sais pas comment ils font pour... Hey, un maringouin en studio pour la première fois de l'année. Je vais sortir d'ici avec des boutons. Et ben, peut-être que ça va me faire pousser des seins si je me fais piquer à la bonne place. Attention. Oh, est-ce que je l'ai eu? Yeah! Je l'ai tué avant qu'il me pique. Vous avez de la radio en direct ici, tout le monde. Faut pas que tu laisses rentrer ça, voyons, non? Ensuite, pour l'hypochondriaque, tiens, ceux qui ont des cauchemars de maladie tout le temps, vous avez un gadget juste pour vous. Les compagnies de technologie, donc, essaient toujours d'être le plus santé possible. On atteint votre santé en vous présentant peut-être une montre intelligente qui va vous dire des affaires. Ici, c'est Q, un appareil qui va analyser les échantillons de votre propre corps et va fournir des recommandations pour améliorer votre santé basées sur ce que ça va trouver. Donc, à son lancement, Q va être capable de mesurer le niveau de testostérone, l'hormone de testostérone luteinizing, pour détecter la fertilité. La protéine C-reactive pour détecter l'inflammation et la vitamine D. Ça va aussi pouvoir vous envoyer des alertes sur le début d'un rhume en détectant la présence du virus de l'influenza A dans votre corps. Et d'autres types de cartouches pourraient sortir dans un futur plus ou moins rapproché. On a besoin d'une cartouche à utilisation unique, donc c'est propriétaire à Q, et des baguettes pour ramasser vos échantillons. Dépendant de ce que vous voulez mesurer, vous allez utiliser une baguette pour prendre des échantillons de sang, de salive ou de peau dans vos narines. Et ensuite, vous allez insérer la baguette que vous voulez dans le type de cartouche qui est nécessaire. La cartouche va entrer dans la machine Q qui va analyser l'échantillon et va ensuite envoyer tout ce que ça trouve à votre appareil cellulaire. Q fonctionne sur iOS et Android avec Bluetooth 4.0. L'appareil coûte 150 $ américains et ça vient avec un ensemble de cartouches. D'autres cartouches vont coûter 20 $ pour 5 cartouches et 5 baguettes, à l'exception des cartouches pour la grippe qui, elles, vont coûter 30 $ pour 3 cartouches et 3 baguettes. Ça coûte plus cher détecter le virus de la grippe. Mais pour vrai, l'idée est vraiment cool. C'est des petites cartouches de couleur avec le mot écrit sur le côté, mettons, inflammation écrit en blanc sur un fond rose. Et les petites cartouches sont un genre de prisme, si on veut. Et ça entre dans une fente, on dirait une bouche presque. Et tu on dirait que le bonhomme sort sa langue. Tellement que c'est comme enfantin un peu, mais j'aime le concept. Ça pourrait vraiment... C'est sûr que ça va finir par coûter cher pour ceux qui sont vraiment hypochondriaques, qui veulent vérifier chacun des symptômes de chaque affaire qu'ils peuvent vérifier avec cet appareil-là. Vous allez sûrement vous ruiner, mais pour quelqu'un qui voudrait juste une fois de temps en temps s'assurer de quelque chose sans avoir à aller chez le médecin. Mais bon, peut-être qu'ils veulent pas attendre à l'hôpital et le privé trop cher, je sais pas. Mais bon, ça pourrait être utile pour quelqu'un. Ensuite, plutôt cette année, en fait, on avait parlé d'une table pliante et de chaises pliantes de la part de Folditure. Donc, c'est un meuble qui pouvait se plier facilement pour être mis en quelque part dans un coin de garde-robe ou tout même le pendre dans le garde-robe. Leur première table à Folditure et leur chaise étaient faites en métal. Ça avait l'air très, très futuriste. Donc, ça pourrait ne pas s'accorder avec l'esthétique de votre maison. Donc, le plus récent produit de Folditure, c'est la chaise pliable Maya. C'est un fini de bois. Okay. C'est construit à partir de birch plywood avec un truc à l'extérieur pour s'asseoir dessus qui était à l'épreuve de la météo. C'est disponible en 4 couleurs. Les chaises vont être vendues à 360 $ chaque par rapport aux anciennes en métal qui étaient beaucoup, beaucoup plus chères que ça. Ça va être disponible à partir du 1er juillet. C'est joli, c'est fait en genre de petit bois pâle. C'est comme je disais, complètement démontable et pliable, mais ça a l'air assez confortable. C'est sûr qu'un dos en bois, faut aimer ça, faut aimer avoir le dos très très droit. Mais le petit tissu qui va soutenir vos fesses, ça va être quand même assez confortable. Comme je disais, ça résiste aux intempéries. Si vous avez un animal de compagnie comme un chien, vous voulez l'amener dehors, prendre une petite marche, une petite promenade. Des fois, quand il pleut, le chien va sentir le petit chien chaud, le petit chien mouillé, le petit chien chaud. Ça fait chanter le dog, tu sais, relish, ketchup ou tarte, c'est parfait. Mais le chien mouillé, ça sent moins bon. Il vous faut le pet umbrella. C'est un parapluie à l'envers. Donc, un petit peu à la place de tenir votre parapluie par en haut, vous allez mettre en style canne, donc vers le bas, et le parapluie en tant que tel est de ce sens-là pour pouvoir protéger votre chien en étant évidemment de la forme de parapluie, puisque le bâton est en haut à la place d'en bas. C'est souvent acheté, nous dit-on, avec le Snuggie pour les chiens. Parce que oui, un Snuggie pour les chiens. Donc achetez ça en combo pack, si ça vous intéresse. Le lien est évidemment sur le site assemblagerequis.com. Pour ceux qui se soucient des caméras de sécurité, vous savez, les caméras de sécurité sont partout. La reconnaissance faciale, c'est impossible de s'échapper de ça. Certains gens aiment leur vie privée. Évidemment, il y en a qui vont aimer les caméras parce que c'est plus sécuritaire. Si, mettons, vous faites voler quelque chose, peut-être que la caméra va l'avoir pris. Mais ceux qui aiment leur vie privée, eux, voient ça de mauvais œil. Donc, vous êtes pris avec des alternatives comme le Urme Surveillance Identity Prosthetic Mask, qui va littéralement vous permettre de porter la figure de quelqu'un d'autre, le visage de quelqu'un d'autre. Le visage derrière le Urme, c'est Leo Silvaggio, qui n'a pas peur de montrer, lui, son visage à tout le monde et faire passer les autres pour son propre visage. Je cite, « Quand tu portes cet appareil-là, les caméras vont me tracer à la place de vous tracer et vos actions dans l'espace public sont attribuées à mes actions parce que c'est moi que la caméra va voir. Tous les appareils de URME ont été testés pour la reconnaissance faciale via Facebook. » Facebook a un algorithme très, très sophistiqué de reconnaissance faciale. Vous l'avez vu, ça attaque des photos tout seul. L'offre de Urme est présentement disponible en financement social sur Indiegogo. Vous pouvez aller voir la vidéo de démonstration. Ça donne vraiment un aspect très, très épeurant. Là, c'est un masque par-dessus ton visage. T'as l'air d'avoir... Je sais pas. T'as l'air de porter un masque, mais bon. Si ça fonctionne pour la reconnaissance faciale, tant mieux. Il commence à faire vraiment chaud parce qu'il y a en studio. On pourrait peut-être se procurer le Giant Inflatable Aqua Treadmill. Si vous voulez marcher sur l'eau, c'est un produit de la compagnie World of Water Sports. C'est une roue gonflable géante qui peut permettre jusqu'à 3 personnes à l'intérieur. Et ces gens-là peuvent marcher, grimper, tomber ou juste chiller à l'intérieur de cette grande roue, un peu comme une roue à hamster. Tu peux passer du temps dans la piscine, tu peux passer du temps à l'extérieur de la piscine. Il va falloir une méchante grosse piscine, par contre, parce que c'est vraiment gigantesque. Il y a des trucs sur les côtés de la roue qui vont empêcher l'eau de s'emmagasiner dans la roue, donc pour pas caler ou rien. Tu peux aller, une roue extérieure qui peut l'aider à avancer à des vitesses de 10 000 à l'heure dehors, donc vraiment sur le terrain, sur le gazon ou sur l'eau en tant que telle. J'avoue que la roue, ça marche pas vraiment sur l'eau. On peut contrôler un peu comme un volant en changeant le poids de place dans le bidule. Ça a des couleurs très, très visibles. Comme j'ai dit tantôt, 8 ports de drainage pour empêcher l'eau de s'accumuler dans la bestiole. Et le seul désavantage, c'est qu'il faut attendre 15 minutes pour le gonfler. Il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com. Je ne l'ai pas regardée, allons-y, décrivons un petit peu l'action. On voit évidemment 3 personnes se faire des high-fives et on voit tout le monde marcher dans l'eau avec le treadmill. Donc c'est vraiment pareil comme des hamsters. T'as l'air d'une bestiole, c'est juste bizarre. Mais l'idée est vraiment bonne et ça avance en effet dans l'eau. Ça reste pas sur place. J'imagine que ça pourrait rester sur place si tu l'as pas trop vite. Je sais pas. En tout cas, bref, c'est vraiment cool. Ensuite, si vous avez un vélo, et souvent votre cadenas est facile à casser, en tout cas à scier, dépendant de comment les criminels fonctionnent de nos jours. Donc, à la place de trouver vos clés et de devoir trouver une combinaison super étrange et pour être plus sécuritaire, évidemment, Skylock sécurise votre vélo. Et c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous approcher de votre vélo. C'était développé par des ingénieurs de chez Boeing et Jawbone, ceux qui fabriquent le petit bracelet 24, le Up 24 en ce moment, celui qui analyse votre sommeil et vos calories, etc. Donc, le loquet intelligent utilise des panneaux solaires pour rester chargé. Le Bluetooth LE pour réussir à se faire débarrer par le téléphone. LE, c'est celui qui prend presque pas de batterie. Ça utilise le Wi-Fi pour aller plus loin encore. Et un accéléromètre pour vous alerter si votre vélo bouge ou même appeler une ambulance si on détecte un accident de vélo. Donc Skylock, ça fait presque tout pour pas mal plus cher qu'un canon normal, 160$ sur assemblagerequis.com. Mais l'idée est excellente. Quelqu'un m'a envoyé sur Facebook, en fait, je salue Danny Janvier, qui est celui qui m'a envoyé ça sur Facebook. C'est une table NES qui est disponible ici à Trois-Rivières pour environ 650$, je crois, sur Kijiji. C'est une table donc en forme de NES, mais en beaucoup plus grande. NES, c'est la Nintendo Entertainment System. Je monte d'une coche de plus dans mon estime avec celui-là. C'est une table à café qui ressemble à une Super Nintendo, à une manette de Super Nintendo. Donc modelée par... En fait, c'est fait par le même gars qui, à l'origine, avait fait le modèle pour la NES. Évidemment, sûrement que le gars de Trois-Rivières ne doit pas être l'original. C'est quelqu'un qui l'a fait par lui-même d'inspiration de ce gars-là. Donc, la Super Nintendo Controller Table, un design de Charles Loshier chez Bohemian Workbench. Une table faite à la main de bois, évidemment. Et ça peut être commandé en bois naturel pour 2 300 $ américains ou encore complètement peinturé aux couleurs de la Super Nintendo pour 2 800 $. On devrait aussi noter que sur l'image qu'on voit sur assemblagerequis.com, c'est un modèle miniature de la table. Charles attend au moins un acheteur avant de commencer à construire ses tables Super Nintendo. C'est un des gars, comme je disais tantôt, qui a travaillé sur l'original, la table NES, celle que tout le monde a vu passer. Charles va aussi considérer construire des versions fonctionnelles de la table, donc avec une Super Nintendo à l'intérieur de la table et les branchements vers les boutons pour pouvoir vraiment activer un jeu de Super Nintendo, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment avoir. Charles va donc considérer ça si les gens lui demandent. Donc, allez voir via assemblagerequis.com, le lien est là pour lui écrire. Ensuite, une idée que j'adore, c'est de mélanger des memes. Ou ben, tu sais, on dit memes à bien des sauces, là, ici, c'est plus des phrases classiques, connues. Donc, ça s'appelle Hipsterbait One. C'est un robot qui vit sur Twitter et sur Tumblr. Qui crée ce qu'on appelle des hipster bait. Donc, c'est des t-shirts post-post ironiques. Donc, c'est un genre de mash-up entre des références culturelles, mais mélangées ensemble. C'est inspiré par une conversation que le gars a eue avec Rob Manuel, qui avait suggéré de créer un générateur de memes, dans le fond, de façon algorithmique. Il s'est demandé si c'était possible de créer ça non seulement comme représentation sur un t-shirt, mais aussi de vendre ces vrais t-shirts. Donc là, vous écoutez ça, vous me dites « Je comprends absolument rien de ce que tu me dis. » Je vous l'explique, c'est que le plaisir et la dissonance cognitive de la juxtaposition de deux choses qu'on reconnaît, mais qui ne vont pas ensemble. Par exemple, tu mets une photo de la Russie sur le t-shirt et tu mets « I love New York » dessus. T'sais? Ou encore, tu mets un animal, mettons, un paresseux, et tu vas marquer « J'aime les écureuils ». Ou tu vas mettre un groupe, je sais pas, de musique Led Zeppelin, et tu vas marquer en dessous « Sonic Youth ». Donc, c'est la dissonance. Les gens vont comprendre que c'est une blague seulement s'ils sont assez cultivés pour le savoir. Et dans le fond, c'est une blague que tu te fais à toi-même et que tu te dis aux autres « Regardez comment je suis cool, je me suis fait une blague. Est-ce que vous êtes aussi intelligent que moi pour comprendre la blague? » C'est super prétentieux. C'est vraiment, vraiment, vraiment foutrement fendant. Mais j'aime ça au bout. Par exemple, bon, après la mort de Lou Reed, il y avait l'image d'Iggy Pop, et ils ont marqué Lou Reed en dessous. T'sais. Il y a vraiment juste les fans qui peuvent comprendre la blague. C'est comme pour montrer ton niveau intellectuel. Mais évidemment, il faut que tout soit dans la même catégorie. Donc, Lou Reed et Iggy Pop, nous dit-on, ça fonctionne. Mais si on mettait Lou Reed et le texte Katy Perry, là, ça ne fonctionnerait pas. Il faut absolument qu'il y ait une dissonance cognitive entre les deux parce que c'est dans le même domaine. Donc, c'est ce qu'on nous explique ici. On vous permet de partager les t-shirts sur les réseaux sociaux ou encore de vous faire imprimer un t-shirt. Et vraiment, le processus est complètement automatisé. Le gars qui fait le site n'a aucun contrôle sur la juxtaposition des formules. Au-delà de définir la classe dans laquelle c'est, bon, par exemple, des musiciens rock, bon, ici, c'est des villes, des images de villes, etc., ça, c'est des animaux, bon. Pour que tout fit ensemble, mais c'est tout ce qu'il fait. Vous pouvez suivre HipsterBait1 sur Twitter, c'est évidemment twitter.com/HipsterBait1, B-A-I-T-1, ou sur Tumblr, qui est HipsterBait1.tumblr.com. Donc, allez voir ça, et il y en a tout plein d'autres, là. Ça finit jamais. Jamais, jamais, jamais. Le plus récent, est-ce qu'il y a un bon exemple ici? Je connais pas le groupe. Sinon, tiens, t'as une photo de Drake, le rappeur Drake, l'acteur de Degrassi, Nouvelle Génération. Et en dessous, c'est marqué Jay-Z, tu sais. Il y en a plein d'autres. Allez voir sur assemblagerequis.com. Faut vraiment connaître le domaine. Ensuite, une robe qui ressemble... pardon. On est rendu à la mi-chemin de l'émission. C'est là que la toux commence à chaque semaine depuis le début de l'été. Et là, je me suis squirté de l'eau dans la face. Donc, c'est une... J'aime le fait que je viens de dire que je me suis squirté de l'eau dans la face. C'est une robe armure urbaine. Un design de Kathleen McDermott. Il y a deux détecteurs de proximité qui vont faire que la robe va prendre de l'expansion vers l'extérieur, un peu comme un parasol ou un parapluie si quelqu'un est trop proche. Donc, une fois que la présence n'est plus détectée, ça va se refermer et la robe va redescendre. Ça ressemble un petit peu à ce qu'un jet d'air d'une bouche d'égout, je sais pas trop quoi, comme à la Marilyn Monroe frais. Ça fait lever la robe quand quelqu'un se présente. Et quand quelqu'un quitte, ploum, on va descendre. Dans le fond, c'est pour empêcher les gens de se rapprocher trop de toi. C'est anti-proximité. Et bonus, ça fait un genre de son de robot en train de mourir. Je ferai pas entendre la vidéo, mais c'est comme... Donc, allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Il y a une petite démo le raccourci pour démonstration. Il y a aussi un foulard robotisé qui peut couvrir votre visage et votre bouche. Ça détecte des polluants urbains comme l'alcool, cigarette, la fumée ou encore un exhaust de voiture. Donc, on voit la fille. Pourtant, la fille, sa robe est levée puis il n'y a personne dans le coin. J'imagine qu'il y a aussi un bouton pour le faire à la main. On reste dans les vêtements féminins. Un sous-vêtement avec une poche cachée à l'arrière pour transporter une autre paire de sous-vêtements. Tu sais, ça arrive des fois, on souhaite pas ça à personne, mais ça arrive de peut-être se faire sur soi-même. Se faire un petit besoin sur soi-même. Donc, arrive Urban Undercover, présentement presque comme un fundé, comme on dit en anglais. Là, ça a presque tout ramassé ses fonds sur Kickstarter. Même que si on va voir en ce moment, on a dépassé de 125$, donc on a dépassé notre but. C'est une ligne de sous-vêtements pour femmes avec une poche cachée à l'arrière pour transporter soit une deuxième paire de sous-vêtements si jamais vous avez peut-être un problème de règles chez la femme, quelque chose comme ça, ou une autre sorte de besoin. N'importe quoi de femme, un tampon, peu importe, vous pouvez transporter ça dans votre sous-vêtement. Tampon, petite serviette humide, argent, carte d'identité, tout ce qui peut entrer à l'intérieur de cette poche cachée-là. Idée majestueuse. Je sais pas si ça fait des bosses. Des fois que les filles portent leurs affaires tellement serré. Ah, les gars. Ah, les gars. Si vous avez des photos sur Instagram qui feraient de beaux souliers, si c'est le cas, Adidas veut mettre vos photos Instagram sur votre paire de souliers. C'est les hashtag ZXFlux PhotoPrint App. Ça, c'est le nom de l'application. Ça vous permet de prendre une photo et de faire imprimer votre photo, votre chef-d'œuvre sur les ZXFlux. C'est une sorte de paire de souliers. Donc, l'application va être disponible sur iPhone et Android au mois d'août. C'est disponible, donc c'est ça. Il n'y a pas de prix. Cherchez le prix, mais il n'y en a pas. Ça peut faire quelque chose de beau. Ici, on a eu la merveilleuse idée de mettre un hamburger sur ton soulier. Oui, oui. Sinon, je sais pas, il y a de la corde, une forêt, de la roche, une grille, une plage. Des trucs comme ça, il y en a plein. Vous allez pouvoir vous faufiler. Vous pourriez en créer pour chaque saison. Couleur neige, couleur feuille, couleur gaz. Et passer l'aperçu, vous allez avoir l'air d'avoir des... Pas de pied. D'avoir pas de... pour les enfants et les adultes de plus petite taille, parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est pas super fait solide, c'est le Slider... Non, pas Slider. Le Slide Rider. Présentement, un prototype qui a l'air d'être assez amusant pour les enfants. C'est donc une façon de changer vos escaliers en une gigantesque glissade, glissoire. Donc, il y a des bumpers sur les côtés, donc des petits murets, si on veut, qui vont empêcher les enfants de se frotter contre les murs ou de s'accrocher après la rampe, quelque chose comme ça. Et il y a à la fin un petit genre de parc, si on veut, plus une barrière pour vous empêcher d'aller trop loin sur le plancher si c'est fraîchement serré. Là. Un accident est si vite arrivé, dans le foyer, pogné au feu, puis c'est pas même le fun. Donc, un petit genre d'encart, non pas dans... C'est quoi pour les animaux, là? Tu vas mettre des animaux dans un... Ah, je sais pas le mot. En tout cas, bref, une place pour garder vos enfants en sûreté. Et tout ça se plie pour être facile à mettre dans le garde-robe. Évidemment, ça a l'air tellement amusant que pourquoi ne pas descendre tous les escaliers avec ça tout le temps? Pas besoin de le mettre dans le garde-robe. Il n'y a aucune raison de faire ça. Vous pouvez voir les photos sur assemblagerequis.com. Je vais aller voir la page du produit pour savoir combien ça va me valoir, tout ça. C'est sur le site de Quirky. C'est sûr qu'on retrouve, entre autres, chez Walmart, là où ils font des prises de courant pour le mur. Il y a un paquet de petits produits. C'est comme un genre de foire où les gens peuvent montrer leurs produits. Les gens vont dire qu'ils sont prêts à pas payer, peut-être payer, mais qu'ils endossent ce produit-là. Et les produits les plus populaires vont finir par être fabriqués par Quirky et vont être vendus chez Walmart. Donc, le Slide Rider. Pour l'instant, il n'y a pas encore de prix estimé. Ah, dernière mise à jour, il y a 23 jours. Total nombre de influencers, c'est des gens qui influencent le tout, 4741. Donc, il est au statut de lancement de portfolio. Donc, on est encore en recherche d'argent présentement pour le Slide Rider. Quand c'est dur à dire. Maintenant, une caméra qui fait des gifs animés. C'est vrai, donc Raspberry Pi, c'est une sorte d'ordinateur pas cher. Présentement, ça fait Hitler sur Internet. Et les gifs animés, évidemment, le Raspberry Pi, un ordi pas cher. Et les gifs animés, deux modes indissociables presque en ce moment. Donc le Auto, O-T-T-O, qui est une petite caméra vidéo et photo qui fonctionne avec l'ordinateur minuscule Raspberry Pi. Et Auto a plusieurs caractéristiques, principalement la possibilité de faire des gifs. Donc c'est ça, pour prendre un gif, t'as qu'à sortir ta auto, crinquer sur le côté, faire la rotation d'une manivelle. Quand t'as terminé, tu rewind ta manivelle et Auto va sans fil envoyer ton chef-d'œuvre à ton iPhone où tu peux partager, voir le gif via l'application qui vient avec. L'application vous permet aussi de tweaker un paquet d'affaires, paramétrer ça, mettre des filtres à l'Instagram. Grâce à sa caméra 5 mégapixels OmniVision, son sensor CMOS Illuminated truc, Auto peut prendre des photos de 2592 pixels de large par 1944 de haut et enregistrer des vidéos en 1080p. Le logiciel de l'auto et son matériel sont à source libre pour les gens qui veulent manigancer des applications externes. Il y a aussi un add-on basé sur Arduino, qui est une autre sorte de carte mère d'ordinateur. Bref, ça s'appelle Flashy Flash pour augmenter les fonctionnalités de cet appareil-là. Donc, vous pouvez donner $199 américains sur Kickstarter pour espérer avoir votre propre auto-camera. Maintenant, dans le même genre, les mixtapes dans le temps, vous savez, les mixtapes, c'est on écrivait une petite lettre à la main, une petite photo, un album photo, on faisait, tu sais, on mettait des chansons de Saint-Valentin, on envoyait ça à sa douce moitié, sa tendre moitié. Bon, on fait plus vraiment ça. Plus vraiment. Si on pouvait mettre à jour ce concept-là, si on pouvait donner quelque chose de physique, mais à la place d'avoir vraiment quelque chose dessus, comme mettons une clé USB, ça va lier ça à du contenu que tu partages et que tu peux changer avec le temps. C'est super, non? Tout ça est en ligne. C'est l'idée derrière Qleek, Q-L-E-E-K. C'est un système de partage de médias. C'est un lecteur média avec une entrée HDMI. Entrée? Je dirais sortie HDMI. Pour aller vers une TV, il me semble. Entrée? Je suis pas sûr de l'entrée HDMI. Bref. Ça dit aussi... Ouais, peut-être. Une entrée 3,5 mm pour l'audio et de la connectivité Bluetooth. Ce qui fait que ça se démarque, c'est comment ça accède à des médias. Donc, Qleek utilise ce qu'on appelle des TAPS, T-A-P-P-S. C'est des disques de bois en forme d'hexagone, c'est comme des pucks de hockey, avec une étiquette NFC à l'intérieur, NFC Near Field Communication, un peu comme les jeux vidéo ben à la mode en ce moment, où on peut mettre un personnage sur une surface et ça va faire entrer le personnage dans le jeu. C'est par détection de la proximité. Donc, tu peux écrire et réécrire sur tes TAPS en utilisant le lecteur de médias et une application mobile. Le lien peut venir d'une variété de sources, ça peut être YouTube, Spotify, Instagram, Dropbox et autres. Et étant donné que TAP ne contient pas vos médias en tant que tel, seulement un lien vers vos médias, vous pouvez facilement éditer et remplacer les médias. Donc dans le futur, par exemple, votre copain, copine pourrait garder le TAP et le Qleek pendant plusieurs années, dans le fond avec un seul TAP. Et une fois de temps en temps, tu pourrais le surprendre ou la surprendre en mettant à jour la playlist qui est liée à ton TAP particulier. Chaque Qleek Media Player vient avec 3 TAPS, donc comme je disais, c'était réinscriptible. On peut aussi commander une surface personnalisée avec une image en particulier sur le site de Qleek, qui est sur le qleek.me. Ça va coûter plus cher évidemment que juste commander ça et le dessiner vous-même. Donc vous en faites ce que vous en voulez. Qleek va être lancé avec une surface magnétique qui va sur le mur pour pouvoir mettre ses TAPS. Ben, c'est quand même beau, le TAPS. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être tapestry, comme une tapisserie. J'ai aucune idée, mais c'est beau. C'est visuellement intéressant. On demande $199 américains sur Indiegogo pour avoir votre Qleek Media Player et 5 TAPS. Donc, $200, c'est quand même pas mal cher pour ce que ça fait. Mais l'idée derrière, c'est quand même intéressant. Un jour, peut-être que ça va descendre en prix. Je sais pas s'il y a vraiment un futur pour ça. Je pense que les gens sont passés en autre chose un petit peu. Vous rappelez peut-être d'un épisode de Seinfeld où George Costanza dormait en dessous de son bureau. Ouais, c'était vraiment cool comme idée. Donc, il s'était fait fabriquer des tablettes, une place pour son cadran, un petit tiroir pour mettre sa couverture. Donc, en dessous de son bureau, il pouvait prendre des siestes pendant la journée au travail. C'était l'idée de l'épisode. Le Personal Space Bar Desk fait un petit peu la même chose. C'est une façon d'être confortable, de se cacher de ses patrons. Je vois pas de prix encore une fois, mais des fois, c'est tellement trop compliqué pour rien d'aller chercher le prix, mais bon. Donc, c'est ça, vous pouvez prendre une sieste en dessous de votre bureau, un peu comme George Costanza. Si vous aimez le concept des montres intelligentes, mais vous n'aimez pas tellement leur look, vous préférez le look de votre montre normale, eh bien, vous pouvez maintenant ajouter à votre bracelet de montre une fonctionnalité de montre intelligente, entre guillemets, intelligente, oui, mais sans avoir à changer de montre. C'est le Modillion Smart Strap. Ça fonctionne comme la plupart des montres mécaniques, mais ça ajoute une fonctionnalité intelligente à l'intérieur donc de ce petit gadget-là qui va par-dessus votre bracelet. Le Modillion se connecte à votre téléphone cellulaire via Bluetooth et vibre quand vous recevez un appel ou recevez un message. Donc, c'est à peu près tout ce que ça fait. C'est assez de base, tout ça. Mais si vous avez besoin que de la base, vous faire vibrer le poignet quand vous avez un appel ou un message, ça pourrait être bien assez pour vous. C'est super beau en plus. C'est juste un petit bidule vraiment carré, de la grosseur à peu près du truc qu'on utilise pour fermer la montre. Juste le petit carré avec une broche. Donc, c'est à peu près cette grandeur-là. Super subtil. Modillion. M-O-D-I-L-L-I-A-N. Ça va être lancé le 10 juin sur Indiegogo. Donc, allez ramasser de l'argent pour eux là-dessus. On parle d'aromathérapie maintenant. Si vous voulez transformer votre douche en genre de spa là, qui va vous ravigorer la tête et le corps et l'esprit, vous pouvez acheter, ajouter, attacher ce kit de douche d'aromathérapie à votre tête de douche, votre pomme de douche. Et donc, c'est un bras ajustable unique qui tient en sa personne un de trois pods qu'on appelle. Donc, petit gadget d'huile essentielle organique certifié par la USDA, 100% pur. Ça va diffuser les odeurs dans le jet d'eau chaude. Si vous voulez une expérience plus douce, vous pouvez aussi mettre le pod à l'extérieur de l'eau. Donc, quand même accroché après la pomme de douche, mais pas dans le jet. Ça va diffuser à la place l'odeur via la vapeur qui se génère dans votre douche chaude. Donc, une très bonne façon de se réveiller le matin, de se calmer le soir ou juste de se faire plaisir. Liste complète des huiles essentielles dans chaque pod. T'as l'huile Breathe, donc respirer. C'est donc pour réveiller votre corps et votre esprit avec de la peppermint, du citron, de l'eucalyptus et du bois Cedarwood Atlas. Il y a aussi le Passion. Qui va stimuler vos sens avec de la lavande, de l'orange sucré, palmarosa, je sais pas ce que c'est, clove, c'est clou de girofle, patchouli, je déteste le patchouli pour mourir, et la cannelle. Ouais, jusqu'à récemment, je savais pas c'était quoi du patchouli, j'ai senti, puis je me suis dit, ben, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et Unwind, finalement, la dernière senteur, donc pour laver les soucis, les stress et les douleurs, avec orange sucré, bergamot, petit grain, lavande, patchouli et vétiver. Évidemment, les mots, je les prends en anglais. Je sais qu'il y a des équivalents en français, mais je ne les connais pas, malheureusement. On reste dans l'aromathérapie avec vos papilles gustatives qui sont capables de détecter, vous savez, saviez-vous ça, 5 saveurs principales. Ben, saveurs, sortes de saveurs, si on veut. Le sucré, le salé, le surette, l'amère et le umami, qui est un goût plaisant qui provient du glutamate. Je ne sais pas ça du tout. Mais c'est votre sens de l'odorat qui va aider à compléter la saveur. Par exemple, si vous mettez votre nez devant un morceau de chocolat, si vous tenez votre nez, si vous bouchez votre nez devant un morceau de chocolat, ça va presque goûter à craie, nous dit-on. Même chose avec du vin. Donc, il vous faut Aroma R Evolution, comme Revolution, Volatile Flavoring and Pairing Kit de chez Molecule R, qui va amener votre sens du goût à un nouveau niveau. Donc, c'est un ensemble qui inclut 4 Aroma Forks, qui peuvent relâcher jusqu'à 21 saveurs différentes arômes via une petite fente qui contient des papiers de diffusion. Donc, pardon. Vous allez juste faire cuire votre repas, insérer un petit papier diffuseur d'arômes, choisir l'arôme avec laquelle coupler ça, utiliser la pipette pour ajouter une goutte, et ensuite vous prenez une bouchée et ça va tromper votre cerveau. Donc l'ensemble contient plusieurs arômes intéressants, ou intéressantes, je ne sais pas trop ça. Donc vous pouvez essayer de mélanger, faire du mix and match avec tout ça. Il y a 3 arômes de chocolat, café et vanille. Tu as banane, litchi, fruit de passion et fraise. Basilic, cilantro et menthe, c'est les herbes. Tu as des noix, amandes, noix de coco et arachides. Les épices, cannelle, gingembre, jalapeno et wasabi. Et finalement, 4 umami dont on a parlé tantôt, de l'affaire sucrée qui provient du glutamate. Donc, tu as le beurre, l'huile d'olive, la fumée et la truffe. Truffe, voilà. C'est vraiment trop cool tout ça. Quand vous vous endormez au volant, c'est évidemment pas une bonne nouvelle. La plupart des technologies à porter sur soi-même présentement focus plus sur l'extérieur. Si on veut l'aspect social des choses, par exemple les Google Glass, les lunettes Google Glass vont avoir le système de reconnaissance faciale pour pouvoir prendre des photos, des vidéos des gens que tu regardes. Mais si tu veux regarder à l'intérieur de toi-même, tu devrais peut-être te renseigner sur les Jeans Meme Sensory Glasses. C'est des lunettes spéciales qui utilisent l'électro-oculographie. Qui est le processus du... au fond, ça surveille le potentiel électrique via les mouvements des yeux grâce à un sensor accéléromètre sur 6 axes. Je comprends rien de ce que je dis. Donc, il y a aussi 3 sensors additionnels sur la lunette au point où ça touche au visage de la personne pour pouvoir détecter, surveiller les changements dans la physionomie, le physique du corps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les Jeans Memes Glasses vont se synchroniser avec une application sur votre téléphone intelligent pour pouvoir surveiller vos statistiques et vérifier votre statut physique. Avec les lunettes sur ta face, tu vas être capable de surveiller si tu es fatigué, et donc ton niveau de fatigue, ce qui va être pratique quand tu vas conduire après une longue journée, par exemple, ton niveau de concentration et tes signes du sommeil. Les lunettes Jeans Memes vont entrer sur le marché au début de 2015. En 2015, pardon, ils vont coûter environ 685 $ américains. Pour détecter seulement si tu vas t'endormir, je sais qu'il y a d'autres affaires un peu, mais ça a pas l'air d'être la meilleure façon, les lunettes, de détecter des choses. Je sais pas si justement une montre ou un bracelet intelligent est un petit peu plus approprié pour ça. Il y a déjà des gadgets qui se branchent autour de l'oreille, entre autres, et autour du, je crois, cou. Qui vont détecter quand ton quand ta tête bouge ou se penche par sur les côtés par en avant ça va te faire un petit buzz pour te réveiller et je crois que c'est en masse et ça coûte beaucoup moins j'en suis certain que 685$. Si vous avez besoin d'une clé USB, une fois de temps en temps, ça peut arriver. T'as pas ta clé USB sur toi. Premièrement, je sais pas ce que tu fais, pas de clé USB sur toi. Moi, tu l'as perdue. Mais t'as besoin de ta clé et t'en as pas. Donc, il te faut cet genre de carte de crédit. Ça s'appelle Gigs to Go. Comme gig pour emporter. Une petite gig pour emporter. Tu peux m'a danser. Donc, c'est un paquet de 4 clés USB disponibles en format de 1 gig, 8 gig ou 16 gig. C'est de plus en plus cher. C'est dans du carton 100% recyclé post-consumer. Donc, tu déchires littéralement la clé USB dont tu as besoin. C'est vraiment comme une carte d'affaires. Une carte d'affaires en carton. Et chaque, dans le fond, bout de carton enferme une petite portion de clé USB. Tu sais, des petits, des super plates, là. Format vraiment minuscule qui souvent n'entre même pas dans les fentes. J'ai tellement sacré qu'après ces clés-là, moi, je les aime tellement pas. Mais quand même, donc ici, juste pour vraiment vous sauver la mise, si on veut, c'est vraiment de la grosseur d'une carte de crédit, ça rentre dans votre poche ou votre portefeuille. Gigs to go, ça coûte 25$ et plus, dépendant évidemment si c'est un gig, 25$, et là, tu montes pas mal plus après ça. Et pour terminer, quand vous êtes fatigué en voyage, c'est bien le fun de voyager, mais souvent, t'as besoin de dormir, et dormir dans un siège d'avion, ça doit pas être très confortable, j'ai jamais fait, mais assis droit, moi en tout cas, je serais jamais capable de dormir assis droit. Donc, les oreillers pour le cou peuvent souvent soulager un petit peu l'inconfort, mais seulement si tu te penches par en arrière. Si tu veux te pencher sur le côté, contre la fenêtre, il te faut les Window Travel Pillows. C'est essentiellement un petit coussin super confortable, nous dit-on, avec des suctions qu'on peut coller directement à la fenêtre de l'avion et se pencher contre. C'est assez versatile aussi. Une fois que tu as terminé, tu peux dézipper le tout et ça va se transformer en juste en oreiller pour le coup, ce qui est le plus traditionnel. Mais en tant que tel, c'est fait pour s'accoter contre une fenêtre ou même, tu sais, je sais pas, dans une salle d'attente, quelque chose comme ça, tu pourrais sûrement t'accoter contre une fenêtre. C'est juste que tu as l'air un petit peu zouf. À peine. Voilà. Tous les liens sur assemblagerequis.com. Voilà qui conclut cette chronique. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On a plein de choses à acheter pendant les prochaines semaines cet été. Maintenant, j'ai survécu à la chronique, mais une fois la chronique terminée, tout simplement. On va retourner en musique avant de continuer avec notre prochaine chronique. On va faire, je pense, un petit « Tu manges mon cœur ». Tantôt, je vais me gâter parce que ça fait 3 semaines que j'attends de passer une chronique « Tu manges mon cœur », 2 semaines. Donc, j'ai 2 petites chansons à vous faire entendre. Mais avant ça, on écoute une pièce d'Ariel sur leur album « Fauve ». Voici l'heure de la dose, tout de suite, à Assemblage Requis, sur C'est fou, 89.fm. Tu reviens de l'hôpital, on t'a dit « T'es pas normal ». Des araignées, des étoiles. Gloire au divin diagnostic. Simple désordre chimique. 10 minutes et tout s'explique. La solution. sèche tes pleurs. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Par Language Arts sur l'album Wonderkind en 15e position anglophone du palmarès de la période du 12 au 25 mai 2014. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Et une fois de temps en temps, même quand je suis seul, je peux pas me retenir, j'ai besoin de partager mes goûts. Mes goûts! Ma gout! Voici Tu manges mon cœur. Yeah! Coup de cœur, c'est la chronique des coups de cœur des animateurs d'Assemblage Requis. Bien sûr, je suis seul cette semaine, donc c'est seulement moi, Mathieu, qui vais partager mes coups de cœur avec vous, les petits oiseaux, les petits requins d'Assemblage Requis. Et j'ai décidé de vous partager, on peut pas dire ça, hein, mettons que j'ai choisi pour vous, sélectionné par le cochon, une chanson qui est une nouvelle chanson thème d'une nouvelle émission que vous avez peut-être remarqué passer, c'est celle de John Oliver. John Oliver qui avait remplacé Jon Stewart à l'émission The Daily Show with Jon Stewart l'été passé et qui avait, à mon avis, surpassé le maître de cette émission humoristique, une parodie de bulletin de nouvelles, donc qui est le Daily Show. Et ça, c'était sur Comedy Central. Et HBO a tellement aimé son travail qu'ils ont décidé d'aller le rattraper, le repêcher pour animer une émission très similaire au Daily Show qui s'appelle Last Week Tonight with John Oliver. C'est diffusé les dimanches soirs à 23h sur HBO. Depuis, je crois que c'était la quatrième émission cette semaine. Je les ai écoutés à chaque semaine. J'ai adoré ça jusqu'à maintenant. C'est vraiment dans le même esprit que le Daily Show. J'appellerais quasiment ça une version fin de semaine du Daily Show qui est d'habitude le Daily Show du lundi au jeudi à 23h. Et donc, ça fait du dimanche au jeudi quand tu me rajoutes Last Week Tonight. Et la chanson provient d'un groupe de rock, genre rock pop un peu indie, nommé Valley Lodge. Leur chanson s'appelle Go. Très facile à trouver, Go, de Valley Lodge. On va entendre ça dans quelques instants. Et pour l'accompagner, comme on a le temps un petit peu, j'ai décidé de repasser une pièce que je vous avais fait jouer il y a vraiment pas mal longtemps de ça. Une pièce de Roll the Tanks qui s'appelle Game Show Love, qui elle était la chanson thème de l'émission aussi humoristique et aussi sur les nouvelles de la semaine qui s'appelait Infomania à l'époque sur la chaîne Current TV, chaîne de Al Gore, qui est maintenant devenue Al Jazeera America. Pas dans le même genre du tout. Donc on va entendre ces deux chansons-là de suite. Je vous en reparlerai après ça. Mais pour l'instant, commençons avec Valley Lodge et leur pièce Go tout de suite. Tu manges mon cœur sur C'est fou, 89 FM, c'est Assemblage Requis. Your love. Houston. I see you all up, but I'm the city boy with dirty clothes and heart. But I wanna look good tonight. I really, really wanna look good tonight. Shut the door, turn down the lights. I'm all invested now. It's irrational. It's irrational. It's irrational. But then I got you in. Avec Game Show Love, bien sûr. Avant ça, c'était Valley Lodge et leur pièce Go dans le segment Tu manges mon cœur. Ah, que j'aime donc ces deux pièces-là. Elles fit super bien ensemble en plus. Alors, on dirait que je les ai choisies exprès pour ça. Donc, Game Show Love qui était la chanson thème de l'émission Infomania, comme je disais tantôt, et Go de Valley Lodge qui est présentement la chanson thème de Last Week Tonight with John Oliver. C'est dimanche soir sur HBO. Moi, j'adore ça. C'est à 23h. Surveillez ça. C'est pas tant disponible ailleurs illégalement. C'est disponible illégalement, mettons. Pas légalement, illégalement. Absolument. Voilà, donc Last Week Tonight. C'est tout pour Tu manges mon cœur, le petit segment de coup de cœur des animateurs d'Assemblage Requis. On fait ça une fois de temps en temps quand ça adonne. Maintenant, ça va nous amener à terminer cette portion d'Assemblage Requis. Il nous reste une troisième et dernière heure tantôt. On va avoir dans cette heure-là la chronique de Mathieu Roy, chronique humoristique sur vraiment les styles d'humour à travers le temps. Mais avant ça, on va faire les instructions d'assemblage pour savoir comment mieux vivre votre vie. Pour l'instant, une petite pause et on vient avec une troisième heure d'Assemblage Requis. Restez là. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Toujours Assemblage Requis pour la semaine du 19 mai 2014. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans quelques instants, les instructions d'assemblage pour savoir un petit peu comment suivre les instructions pour mieux vivre. Hein? C'est le slogan de la chronique. Apprendre à mieux vivre un petit peu. Hein? Peu importe le domaine, que ce soit la beauté, la santé, la cuisine, je ne sais pas. Donc, ça s'en vient dans quelques instants. Mais avant ça, une chanson de Doug Wave. Ouais, Doug Wave, c'est pas mal bon ça. La chanson s'appelle Crow Crow. C-R-O-W-C-R-O-C. Je sais pas, crocodile, alligator, chien, dog wave, vague. Donc, plein de mots pas rapport ensemble à Assemblage Requis. Ah, et des oiseaux. Corbeau, c'est un corbeau? We'll be right back. de Doug Wave. Et là, je viens de comprendre. Tantôt, je me demandais, est-ce que c'est un corbeau au début? Ben oui, c'est un corbeau. Ça s'appelle Crow. Crack, la chanson Crow, c'est un corbeau. Hein? Tiens, toujours assemblage requis. On l'a dit tantôt, c'est le moment de savoir un petit peu comment t'sais, apprendre à vivre. Hein, je vais vous éduquer un peu, moi. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. C'est les instructions d'assemblage. Je pense que j'ai assez dit le concept de la chronique pour pas le répéter encore une fois en début de chronique. Et cette semaine, je suis encore seul pour faire les instructions d'assemblage. Donc, personne pour me reprendre et personne pour me dire que mes conseils sont vraiment mauvais. Donc, soyez indulgents. Okay? Je vais essayer d'en faire le plus possible en le plus de temps possible jusqu'à ce que ma survie arrive. Pour les filles, tiens, les personnes qui aiment me sentir bon, en fait, ça peut être pas mal n'importe qui, mais mettez un petit peu de parfum en spray sur votre brosse à cheveux. Comme ça, vos cheveux vont avoir une petite senteur légère de parfum quand vous allez aussi tasser vos cheveux. Tu sais, quand vous croisez un petit peu là, les filles, flirter. Chou mes petits cheveux par en arrière, vous les envoyez avec ta main. Ça va dégager une petite odeur plaisante. Ça va vous rendre un petit peu plus attirante. Les filles, dis encore une fois, si vous n'êtes pas intéressé par un gars, je pense que c'est toujours mieux d'être honnête et direct, tout de suite. Parce qu'il y a des hommes qui vont interpréter vos signaux comme étant quelqu'un qui essaie, t'sais, hard to get un petit peu, t'sais, dur à attraper. Donc, ils vont prendre ça comme étant un défi pour eux. Et ça va juste être encore plus gossant. En tout cas, j'espère que c'est pas ce que je suis en train de vivre en ce moment avec vous. Hein? Vous me le direz. Les filles, encore une fois, juste parce qu'un gars est gentil, ça veut pas dire qu'il flirte avec vous. Tu sais. Ben, c'est comme ça, c'est quelque chose à retenir. Les claviers de votre école ou endroit de travail sont statistiquement un mot que j'aurais dû apprendre à l'école, statistiquement ont plus de microbes qu'un siège de toilette. Dégueulasse. Faites attention, purée un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Toujours nettoyer vos valises après être resté dans un hôtel. Les petites bestioles, les puces de lit qu'on appelle, vont souvent faire le voyage dans les valises entre la chambre d'hôtel et votre maison. Donc, faites bien, bien attention. Ça, c'est vraiment un très, très bon conseil. Pour ceux qui aiment les petits sacs de gel qu'on peut mettre au froid, si on met ça au congélateur, c'est un petit sac de gel. Tu mets ça sur tes épaules. Et puis ça fait du bien, tu sais. À la place d'acheter ces sacs de gel-là, il va falloir le faire à la maison, tu sais. Donc, faites une partie d'alcool à friction avec trois parties d'eau. Ça va devenir très, très froid, mais ça va jamais durcir. Donc, vous allez pouvoir tout manipuler ça. Les athlètes et les mères devraient faire ça. N'est-ce pas une bonne idée? J'ai envie d'essayer quelque chose live. Ça veut dire que tu fais une expérience avec moi live. Regarde, ben, je vous montre le fond. Puis vous allez voir ce que ça va donner. Ah, expérience ratée. Je pensais vivre une expérience, une entrée de roi. Je pensais vraiment pouvoir faire un déroulé le tapis rouge comme il voulait depuis toujours et faire une genre de fanfare pour accueillir notre Mathieu Roy, mais bon, que voulez-vous, il viendra tantôt. Donc c'est ça, je rappelle encore une fois, le sac pour les épaules, la tête, peu importe, sac froid mais qui ne durcit pas, donc que vous pouvez mettre vraiment en forme que vous voulez sur votre corps, c'est une partie d'alcool à friction, rubbing alcohol, okay, et trois parties d'eau. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Ensuite, passez votre vie avec les gens qui vous rendent heureux et non pas les gens que vous tentez d'impressionner. Une très jolie phrase. Si vous avez accidentellement texté la mauvaise personne, ça m'arrive fréquemment de texter la mauvaise personne, je trouve que sur l'iPhone, il manque une petite photo de la personne. C'est un peu comme sur l'application Facebook aussi, tu vois jamais de photo de la personne pour te dire que c'est cette personne-là. Tu n'enverrais jamais le texte à la mauvaise place, à la mauvaise personne, si tu avais la photo de la personne à côté. Mais ça, je comprendrais jamais pourquoi c'est pas encore là. Mes petits conseils, tiens, d'immédiatement, vraiment rapidement mettre votre téléphone en mode avion. Vous savez, sur l'iPhone, depuis iOS 7, on peut draguer à partir d'en bas. Moi, ça marche une fois sur 3-4, mais quand même, pour ceux que ça fonctionne plus souvent, draguer à partir d'en bas et cliquer sur l'icône avion. Immédiatement, le message ne s'enverra pas. va juste faire une erreur et vous allez pouvoir effacer le message pour ne pas l'envoyer par la suite. Donc, je trouve que c'est une très, très bonne idée si vous êtes assez rapide, parce que ça prend quand même, sur le réseau, en tout cas, moi, avec Bell, peut-être un petit 2 secondes, 3 max, envoyer un message. Donc, il faut vraiment être rapide sur la gâchette. Et comme je vous dis, moi, ça marche tellement jamais, le petit flic de par en bas. Là, que je me fierai pas trop là-dessus. Lorsque vous vivez chacun des défis de votre vie en présumant que tout va toujours s'arranger à la fin, habituellement, ça s'arrange. Donc, vivez comme avec cette phrase-là. Non, Mathieu Roy qui arrive comme ça en surprise alors que j'ai fait exprès tantôt pour l'accueillir en roi en montant la musique puis en faisant une fanfare, puis il était pas là. Là, je vais l'accueillir. C'est bien, c'est moi. Bonjour, Mathieu Plante. Ça va bien? Moi, tu parles fort, toi. Oui, ça va bien, toi? Ouais, ouais, moi, je suis très FM. Hein. Ouais, t'es très FM à la radio. Hein. Ouais, dans la vraie vie, moins. J'ai été me chercher un café, tu sais, histoire que je sois productif. C'est que ça. Je puisse apporter quelque chose. Et j'ai d'ailleurs eu la chance de retrouver des écouteurs que j'ai empruntés à Philippe Grenier, membre de la Lutte, président d'honneur de la Lutte cette année encore. Oui. Et animateur de l'aparté les mercredis soirs, il se met assez fou. Oui, donc j'ai emprunté ces écouteurs parce que j'avais oublié les miens chez nous. J'ai une journée qui était assez rude aujourd'hui. J'ai commencé avec un déménagement. Oh non! Fait que j'ai déménagé. Il y a eu un petit pépin à la toute fin sur le dernier voyage. Un meuble qui est tombé du camion et ça a éclaté sur la route. T'es pas sérieux? Oui, fait que ça a pas mal été ça ma journée. T'es meuble à toi, ça? Non, okay. C'est quelqu'un que j'aidais pour son déménagement. Ah ouais, tu l'as aidé pas mal. C'est toi qui avait fermé la porte? En tout cas, je vais pas blâmer personne. Ouais. Mais bienvenue à toi. T'es en plein cœur de la chronique Instruction d'assemblage, donc on va apprendre à mieux vivre ensemble. Pas qu'on veut vivre ensemble, mais à vivre ensemble, on va apprendre ça. Mais est-ce que c'est basé sur les chroniques de IKEA? Si on veut, oui, à peu près. Oui, j'ai pensé appeler ça assemblage de Rikea. Rikea, au lieu de Rocky, t'sais. Ouais. T'as pas utilisé? Non, c'est pas très drôle. Hein. Non, ben c'est une mauvaise traduction que j'étais habitué de voir. C'est drôle! Donc, OK. Allons-y avec un autre beau petit conseil. Un conseil. Mm-hmm. Concile de Trente ou le Concile du Vatican II? C'est ou... tout ça et plus, en fait. C'est d'agrafer un rideau de douche à un cadre en bois. OK? Donc, ton cadre en bois, un très, très grand cadre. Derrière, tu agrafes ton rideau par-dessus le cadre. Donc, tu le verras pas. Tu sais, un cadre, mettons que tu n'aimes pas. Quelqu'un t'a donné un cadre. Là, bon, ben, tu mets le tissu autour, tu l'agrafes après et ça va faire comme si c'était une toile. Parce que, tu sais, une toile, ça a un aspect presque comme un rideau de douche, ça. Ouais, le rideau extérieur, ça. Ouais. Rigueux est le mot. Donc, non, ça pourrait faire une bonne, belle décoration, pas trop cher. Ou si on veut juste la cacher puis la sortir juste des grands événements où tu te dis genre, ouais, là, ce serait plus d'ambiance. Genre, c'est t'es comme un gros coucher de soleil. Là, tu te dis, hey, c'est le premier date. Là, je la sors à soir, tu lèves le rideau, t'as garde propre juste pour ça. Ah, oh, t'es tellement romantique. Hein? Ben, ah fuck, j'ai juste débranché mon meilleur truc. Ouais, Saint-Valentin, punch vol. Le top des choses que tu devrais chercher chez un partenaire. Un ou une partenaire, évidemment. Donc, le top, on va regarder ça un petit peu rapidement. Quelqu'un de confiance. Je pense que ça, c'est quand même assez évident. Oui. Quelqu'un qui va t'accepter sans condition. Accepter tes défauts. Bien sûr. Ça, c'est rare. C'est rare pour toi, les défauts que t'as. Quelqu'un qui va t'encourager d'être à ton meilleur, donc de faire tout ce qui est possible dans la vie pour atteindre tes buts. Mm-hmm. Quelqu'un de compréhensif qui va prendre soin de toi, qui est gentil. Ça, c'est okay. Numéro 4. Puis ça, est-ce qu'il faut qu'on trouve ça à l'intérieur d'une seule et même personne? C'est du mix and match. Je pense qu'il faut que t'en aies sûrement une majorité. Okay. 50% plus 1, je pense. Ok. T'essaies d'en avoir, t'es pas obligé de les avoir toutes dans le même. Non, mais... et c'est par priorité aussi. Il y en a pour qui ça va être moins important. Certains de ces critères-là vont être en bas de la liste. Donc. Ouais, qu'elle ait confiance, mettons. Donc. C'est ça. Qu'elle soit belle, pas grave. Numéro 5, quelqu'un de respectueux, donc qui va te traiter correctement. Moi, je trouve que ça ressemble énormément à plusieurs autres qu'on a vus avant. Quelqu'un de constant, qui va toujours tenir sa parole, qui va pas être un petit peu, tu sais, va-et-vient, girouette un peu, tu sais. Mais tu peux pas être constant puis respectueux. Ah là, attends un peu, là. Ça dépend comment tu définis chacun de ces mots-là. Quelqu'un de positif qui est amusant à côtoyer. C'est le numéro 7. Donc, quand même, c'est une bonne liste. On a le numéro 7. Oui. Alors, partenaire susceptible, venez. On finit l'émission à 6h ce soir. C'est ça. T'es le numéro 7 et particulièrement, t'es un très, très bon numéro 2 aussi. C'est genre comme un gros tas de marbre. C'est une blague, là. C'était pas vrai. Oh! Oh oui! Non, t'es le number 1. T'es Mathieu Roy. T'es au sommet de la royauté de l'OGE. Oh! Je suis tellement pro-démocrate que même si je suis un roi, j'aime ça être élu. Voilà. c'était un nouveau-né, un nouvel enfant. Ah, dormez avec sa petite couverte pour bébé. Dormez-vous avec sa couverte, OK? Vous prenez la petite couverte, vous lui volez pendant une nuit pour que ça laisse votre senteur, votre odeur dessus. Et quand vous allez lui redonner, ça va être réconfortant. C'est beau, non? Ouais, mais il était pas content juste avec la couverte avant. Pas autant qu'avec l'odeur du parent dedans. Mmh. C'est vrai. J'avoue que la plupart des bébés ont été interviewés, genre suite à la nuit avec. C'est ça. J'imagine que c'est vraiment une étude qui est vraiment très bien montée là, pour 4 bébés sur 5, on dit que. Ouais. Mais j'ai des meilleurs contours. ce que je te conseillerais aussi, tu sais, des fois, ta copine va peut-être te demander de t'emprunter ta veste. Ouais. T'sais, ta veste a ton odeur. C'est réconfortant aussi. Donc, tu sais, ça fonctionne pas juste pour les bébés. Ah, je pensais que c'était juste à cause qu'elle avait frais. Peut-être aussi. Je suis tellement trop simpliste. Mais t'es rabat-joie, t'es beaucoup trop terre-à-terre, Mathieu Roy. Ouais, mais ça, je me le fais souvent dire, d'ailleurs, d'un point de vue relationnel, que je suis trop terre-à-terre, que je suis genre, non, mais pourquoi je serais romantique, là, on est déjà ensemble. Pas toi et moi, évidemment. Moi, je vais t'appeler Mathieu Roy-Bajoie. Oh! Burn! Aïe. Si tu manques de trucs pour enlever ton maquillage, ça t'arrive une fois de temps en temps, t'arrives à la fin de ta bouteille de remover. Ça arrive. Oui. Utilise une boule de coton et de l'huile pour bébé. Tu sais, c'est simple, ça va enlever le maquillage encore mieux que le remover. Nous dit-on. Oui. Je vais pas essayer. Ben oui, parfait. Essayons. Essayons-le ce soir. Bon, je me mets du rouge à lèvres sur la joue. Et j'ai de l'huile pour bébé avec moi en tout temps. Squirt. Quand tu nettoies une pièce, débarrasse-toi de 5 choses, que ce soit des déchets, un vieux magazine ou quelque chose que tu n'utiliseras jamais. Et à chaque fois que tu vas faire le ménage, tu vas te débarrasser de 5 choses. Et un jour, le ménage va être un petit peu plus rangé, ça va avoir l'air plus présentable. Mais il parle pas qu'il faut pas que tu t'acquérisses des choses pour les remplacer. Là. Ben, moi, je pense que ce serait ça la bonne chose. Si tu achètes quelque chose, faut que tu débarrasses de quelque chose en retour. Non? Ben ça, ce serait un bon principe. Ben oui. Comme ça, tu gardes une certaine... L'équilibrium, je pense, c'est le mot que tu cherchais. Oh! Hein? Tu ne cherchais pas, mais je te l'ai donné. Ben, t'as une chronique latine juste avant? Latine, c'est ça. Oui, c'est très connu, la chronique latine de Sondage Rocky, toutes les semaines. S'il te reste seulement un petit peu de vin, c'est rare qu'on finit pas à bouteille, hein? C'est une pipe, hein? Mais s'il te reste un petit peu... Je sais pas, moi, je suis intolérant à l'alcool. OK. Après, l'intolérance au lactose, intolérant à l'alcool. Non, la lactose, je tolère très bien. Moi, je suis intolérant à l'alcool, pour vrai. Là. Ah oui? Oui. Si je bois de l'alcool, j'ai besoin environ d'une demi-bière, un shooter d'alcool fort, 40%. OK. Puis je vais être malade par la suite. Cool. Pas tant. Non, mais ça te vide, ça te fait garder ta ligne. Ben, c'est ça, c'est l'équilibrium, là. C'est vraiment important. Équilibrium. Ouais, c'est vraiment important pour moi parce que, tu sais, mon cerveau est en symbiose. Donc, s'il te reste seulement un petit peu de vin, Mathieu, ne le jette pas. Essaie de le congeler, de le mettre en cube, en petit glaçon pour pouvoir l'utiliser dans des casseroles, tu sais, des repas qui sont en casserole, et des sauces. Tu sais, on fait des sauces au vin, des petits cubes de glace, ça vient rajouter de la saveur, c'est sûr. Mmh. C'est génial. Mais j'imagine que tu pourrais l'utiliser aussi dans une sangria. Oui, ben oui. Hein? Mélanger les alcools, c'est toujours une bonne chose. Hein? Mélanger des alcools forts et du vin, là. Ben, la sangria, c'est ça, à la base. Ça, ben, exact. Mais, tu sais, pourquoi pas en mettre encore plus? Pour être encore plus malade. Ben, pourquoi pas? Si c'est pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont représentées dans un breuvage, c'est pas un breuvage. YOLO, man! YOLO! ajouter du jus de citron à de la sauce qui est trop graisseuse. Ça va faire disparaître le gras et ça va ajouter de la saveur à votre sauce. C'est bon. Oui. Hein, du vin et des choses. Mais le citron, naturellement, est un antipoison aussi. OK. Je sais pas ça. Fait, la lime, le citron, lorsqu'on est en voyage puis on n'est pas sûr de la qualité de l'eau qu'on va boire, tu peux mettre du citron tout simplement. Ah. Ça va lui donner un goût. Ça va passer mieux parce que des fois, elle peut avoir comme trop de gaz, des choses comme ça. Mais le fait de mettre du citron ou de la lime va purifier ton eau. Eh ben, je savais pas ça. Ouais, c'est bon, ben, ça. Parce que moi j'ai quand même voyagé un peu dans ma vie. Puis c'est un des bons trucs que j'ai appris pour t'acclimater rapidement à l'eau. Parce que ça coûte, quand tu habites longtemps dans un pays que t'es pas habitué, c'est un des bons trucs de s'habituer à l'eau normale, l'eau publique. Fait que tu essaies de le faire graduellement en mettant du citron dedans. Puis comme ça, tu bois l'eau du robinet. Moi, j'ai toujours bu l'eau du robinet, peu importe ce que j'ai été. Puis j'ai habité quand même au Nicaragua puis au Costa Rica. Là. OK. Wow. Puis j'ai jamais été malade. La seule fois que j'étais malade là-bas, c'est que j'avais fait une indigestion de bananes. J'en avais mangé, genre, je pense, une vingtaine en une journée. C'est la première fois que je trouvais que des bananes étaient aussi bonnes que ça. Trop de potassium, c'est ça? Potassium? Ouais. Ça arrive. C'est le foie, je pense qu'il aime pas ça. Oui, non, il m'avait pas aimé cette fois-là. Mais un homme du monde, Mathieu Roy, c'est cool ça. Moi, j'ai pas voyagé à nulle part, donc je suis vierge de toute information, donc je découvre avec tout le monde en même temps. Mais c'est une information qui est quand même assez utile parce qu'autant tu peux être faire la randonnée pédestre ici, avoir juste ta bouteille d'eau, tu sais, au lieu d'avoir les petits kits qui vendent genre Mountain Equipment Co-op pour faire ta propre filtration d'eau, tu mets du citron là-dedans, that's all. Ah, tellement plus simple et tellement moins cher. Et moi, j'ai ma bouteille Brita à côté. Tout le temps. Ouais. C'est pas la même affaire, c'est du charbon qu'il y a là-dedans, je pense. Mmh. Bon. C'est l'eau de Trois-Rivières, je trouve qu'elle goûte tellement mauvais que c'est plus pour le goût que d'autres choses. Ben, pourtant, on a une super bonne eau. Ben oui, c'est ça, fureur. Les patates peuvent enlever les taches sur les doigts. Juste à faire trancher une tranche de patate et frotter la patate crue sur la tache et rincer ça avec de l'eau. Apparemment, ça va enlever les taches sur tes doigts. Bon, hein, pourquoi pas? Pourquoi ne pas l'essayer? Si t'as de la misère à dormir, cligne des yeux rapidement pendant une minute. Les yeux fatigués vont t'aider à t'endormir. Encore une fois, pourquoi ne pas l'essayer? Cligne des yeux rapidement. OK, on fait un concours de là, premier qui s'en là. Go! Ah, c'est sûr que je m'endormis. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Est-ce que tu peux croire ça? 3 heures. Pourquoi? Pour aucune raison. Non, pour le nightlife. Pour le nightlife, oui, c'est ça. Je suis tout le temps en train de clubber, comme on dit. Ouais. Mathieu plante clubbing all the time. Une cuillerée à thé de sucre après avoir mangé quelque chose de très épicé va complètement neutraliser la sensation de brûlure. Une cuillerée à thé de sucre après avoir mangé quelque chose d'épicé. Encore une fois, un test à faire en fin de semaine. Parce que tout le monde sait que la fin de semaine, on mange épicé. Et voilà. Hein? Ça dit. C'est pas genre un petit peu champêtre, là. Où, non, non, on mange épicé. C'est ça. C'est le tournée de taco. Le Spicy Saturday qu'on appelle. Arrêtez de perdre vos bob épines en les mettant dans une vieille boîte de Tic Tac. Encore une fois, t'es tout le temps très bien coiffé avec 3, 4, 5 douzaines de bob épines pour faire tenir ta coiffe. Mm-hmm. Voilà. Donc une boîte de Tic Tac. Et ce qui est fun avec les boîtes de Tic Tac, hein, ça fait aucun bruit quand tu marches. Hein. Ça fait pas clac, clac, clac, clac, clac tout le temps. C'est gossant, les Tic Tac. J'aimerais qu'ils changent leur contenant Tic Tac. J'avoue que ça serait bien qu'il change, mais en même temps, c'est la seule que tu peux voir vraiment ce qu'il y a dedans puis qui a un petit côté attractif. C'est vrai. Le tic-tac, tu sais, puis en même temps, c'est comme le branding. Ben oui. C'est leur nom qui fait le bruit puis tout. Tu sais, c'est trop magique. Là. Ça fait tic-tac quand tu marches. Et aussi, ça te permet de savoir que quelqu'un s'en vient dans ton bureau, ça. Que tu veux peut-être pas voir quelqu'un qui a des tic-tac dans sa poche. Ah, donc les gens qui ont des tic-tac dans leur poche puis qui vont voir Mathieu à son bureau, watch you, ils vous aiment pas tant. Et le pire, c'est que c'est même pas basé sur un fait vécu. La seule personne que j'entends quand il s'en vient, c'est Marie-Laurence avec un sac de goldfish dans ses poches. Tout le temps des poissons rouges en petits biscuits. Ah, elle est drôle. Ça, c'est vrai, tout le temps avec ça. C'est quand même vrai. Hein? Et elle poste des photos sur Instagram d'elle avec ses poissons rouges tout le temps. Acheter une maison ou un appartement proche d'un hôpital. Tu me demanderas pourquoi? Ben, c'est parce que l'électricité va tout le temps revenir là en premier parce qu'ils vont tout le temps réparer les lignes électriques proches des hôpitaux parce que c'est important. Donc, tu vas peut-être accessoirement à côté faire restaurer aussi ton électricité. J'imagine, peut-être pas, mais c'est ce qu'on nous suggère. Notre plus grande faiblesse est lorsqu'on abandonne. Petite phrase cute encore une fois ici. Donc, la façon la plus certaine de toujours avoir du succès dans la vie est de toujours essayer au moins une autre fois. Essaie toujours jusqu'à temps que tu réussisses. C'est ce que ça veut dire. C'est parfait. Fait qu'on essaie, on peut. Dans toutes les situations, c'est toujours bon de jamais abandonner. Deviens harcelant avec une fille, par exemple. T'sais, n'arrête jamais jusqu'à temps qu'elle te déteste vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, elle va tellement cette année, elle va faire que, gars, OK. Mais aussi, comme c'est nous qui l'avons énuméré en ondes, on peut être cité pour ça. Oui. On va avoir été consentant, on va l'avoir dit. Donc, vu que c'est sur les ondes publiques, on est responsable de nos faits et gestes. On peut être poursuivi parce que c'est lui qui va avoir harcelé une personne. Exact. Mettons. Parfait. Aucun problème, ça. Excellent. Continuez. N'abandonnez jamais. Jamais. Nothing is impossible. Anything is possible. Adidas, Nike, Reebok. Ah! McDonald's, Wendy, Subway. C'est très sage comme parole. Et en effet, non, fiez-vous pas trop sur cette chronique-là parce que les affaires qui sont peut-être pas vraies. Mais essayez-les. Il y a des affaires, tu sais, que c'est clairement faux. J'ai dit pas. Les affaires que ça a l'air vrai, essayez-le. Il y a rien à perdre. Tu sais, mettons, tu prends une cuillerée de sucre après avoir. Ça va pas te tuer. Il y a rien de mal à ça. Si c'est pas vrai, who cares? Hein? Mais faut voir, c'est un producteur de sucre qui l'a inclus sur le site. C'est ça. Mettons, c'est marqué. Par Red Pat, la compagnie qui fait du sucre. Là. Ouais, c'est la très connue compagnie. Red Pat? Red Roses? Five Roses? Ben, c'est la farine. Red Pat, c'est les poches blanches, là, c'est Red Pat. Je vais regarder les logos de ça. Bon point, par contre. Ouais, c'est ça. J'aime ça. Ouais. Si tu prononces, tu sais, mettons un acronyme, on va souvent nommer un acronyme, mais c'est pas tout le temps un acronyme. Quand tu le prononces comme un mot, c'est un acronyme. Quand tu le prononces avec les initiales, c'est un initialisme. Tu sais ça? Non. Donc, quand tu vas dire, mettons... on dit c'est fou. Ouais, c'est fou, c'est un acronyme, parce que tu le prononces comme un mot, alors que l'AGE, à moins que tu dises AGEQTR comme moi, c'est un initialisme parce que tu dis AGEQTR avec les lettres. Ouais. Et voilà. Ça, c'est plus un fait qu'une instruction, mais quand même, vous allez apprendre à remarquer ça chez les gens, donc c'est pour ça que j'ai mis dans l'instruction d'assemblage. Tom Cruise, si tu fais une ligne verticale exactement au milieu de son nez, OK? Tu vas voir qu'il y a une dent au centre. Il n'y a pas deux palettes au centre comme tout le monde avec la démarcation entre les deux palettes dans le milieu. Il y a une dent dans le milieu de face. Et remarquez ça chez les gens, ceux qui ont une palette. Mais dans le fond, il y a deux palettes. Il y a sûrement un trois monopalettiste. Monopalettiste, ouais, quasiment. OK. C'est bizarre, allez voir ça. Dans le fond, c'est peut-être... Je ne veux pas faire de lien cause à effet. Là. OK, non, non, non. Mais est-ce qu'il y aurait un point de vue génétique entre le cyclope... Le cyclope de dents. Le T-cyclope. Le cyclope, dans le fond, le vieux cyclope aurait peut-être pu se reproduire puis s'est transformé en lui. En c'est Tom Cruise, wow. Ouais. La vie ne sera plus jamais la même. Bon, ben je m'en vais, j'ai trouvé la vérité. Vas-y, vas-y. Pour faire des popsicles, on parle des fois de recettes à faire. C'est super simple. Pour faire des popsicles qui vont vous exploser dans la bouche, tu connais les Fruit Gushers? C'est des petits jujubes avec du jus à l'intérieur, ça va t'exploser dans la bouche. Bon. Donc, mettez des Fruit Gushers dans un rack à popsicle et versez du Sprite dedans et mettez votre bâton. Ça va vous faire quelque chose de super pétillant et qui, en plus, va vous exploser en face une fois que vous êtes rendu au bon moment. C'est vraiment une bonne idée, pour vrai. Pour vrai, c'est une sensation, des milliers de sensations. C'est comme un party dans ta bouche et tout le monde est invité. C'est que vous avez pas eu le droit à la paire de yeux de Mathieu Plante quand il m'a affirmé en me regardant dans les yeux. C'est comme un party dans ta bouche, tout le monde est invité. C'était convaincant, c'était intéressant, mais c'était surtout apeurant. Apeurant. Oh! Je vais le prendre. Parlant de sensations faciales apeurantes, péter. Péter peut aider à réduire le taux de pression dans le sang. High blood pressure. Et ça a des avantages pour la santé, donc de faire des flatulences, baisser votre taux de... C'est là, même si c'est pas prouvé nulle part, je vais l'utiliser toujours. Pourquoi pas? Tu diras, c'est dans la chronique Les instructions d'assemblage, Mathieu Plante l'a dit. Et Mathieu Roy aussi, le roi de l'OGE, l'a dit. Oui, je l'approuve. Donc maintenant, flatuler, et c'est tout ça, c'est pour réduire votre haute pression sanguine, parce que tout le monde sait que c'est l'affaire la plus dangereuse au monde. I'm Matthew King and I approve this message. Yeah. Ah tiens, ça c'est cute. On a parlé tantôt de foncer, tout le temps persévérer, tout le temps s'essayer. Okay? N'ayez jamais peur de demander de sortir avec la plus belle fille dans la place. T'sais, des fois, t'as peur parce qu'elle semble inatteignable. Tu pourrais être surpris le nombre de fois que ça fonctionne. Donc, essayez-le. Pourquoi pas l'essayer? Vous avez rien à perdre, ça. Rien à perdre. Nothing to lose! Ouais, ouais, mais en même temps, tu sais, entre toi puis moi, là, on a dépassé la vingtaine, là, on va se l'avouer, là. Tu sais, on est rendu à 22, 23. Ben oui, c'est sûr. Ah ouais, je vais le prendre. C'est pas la plus belle fille qui t'intéresse dans le bar. Non. C'est celle qui a une groove, qui a une personnalité. Ben oui. C'est, tu sais, la plus belle, tu sais, le mettons, là, OK, fuck off, là, tu sais, mettons qu'on rank, là, tu sais, mettons la 10 sur 10. Ouais. Là, c'est pas elle que tu veux sortir avec. Parce que, premièrement, tu sais pas qu'est-ce qu'elle dégage. Peut-être super superficielle. Qu'est-ce qu'elle a à t'apporter vraiment dans la vie? Tu sais, si t'as vraiment le goût de sortir avec quelqu'un à la sortie d'un bar, c'est qu'il faut que t'aies du fun au moins avec elle. C'est ça. Tu sais, elle est bien beau être belle, là, mais si elle sourit, là, ça fait pas grand-chose dans la vie. Ça te poussera pas bien, bien loin. Là. Ben raison. Et comme on l'a déjà dit, allez pas dans des bars rencontrer des personnes si vous voulez pas rencontrer une personne type bar. T'sais. Allez dans une librairie, un petit café. T'sais. Vous allez pas rencontrer une personne. J'ai toujours rêvé d'aller cruiser dans une librairie, mais ben c'est le genre de place que la fille peut pas partir. Ben oui. Pour vrai. Hey, j'aimerais ça que tu me lises le livre. C'est à cause qu'il y a 800 pages. J'ai pas dit que je voulais que ça arrête à soir. Là. Je t'ai pas parlé d'un one night. Ben j'aimerais ça que tu me lises un livre entre les couvertures. Hein? Tu parles-tu de la page couverture? Ouais, c'est ça. Lis entre les lignes, man. OK. Mais ce serait tellement facile de cruiser dans une librairie, dans tu le fond. Penses? Moi, je m'ouvre une librairie puis qui est ouverte tard le soir. Okay. Fuck off. Ben oui. Tu sais, il est ouvert de 9 à 3, puis on sort de la bière dans la librairie. C'est correct. Les pages seront collées ensemble. C'est correct. Ah, oh, franchement. Ah, oh, c'est là. Ah, oh, là, là, là. Ah, oh, là, je suis allé trop loin. Trop loin, comme toujours. Tiens, allons-y avec un autre ici, une autre petite instruction d'assemblage. C'est la chronique, c'est ce qu'on fait. On essaie d'en faire le plus possible dans les prochaines minutes qui nous restent. Si vous donnez une grande présentation, une grosse présentation, un discours, demande à un ami de te demander, de te poser des questions. Comme ça, tu vas savoir, tu vas avoir l'air de connaître les choses pour vrai. Dans le fond, lors de ton discours, tu vas planter quelqu'un dans le public qui est ton ami. Il va poser des questions et tu as déjà la réponse préparée. Comme ça, tu vas avoir l'air de connaître tes trucs et les autres gens vont pouvoir poser des questions. Pour moi, il va avoir un début de confortabilité, tu sais. Non? Ben, c'est de la merde. Tu sais, tu peux avoir l'air vraiment fort, mais après ça, s'il y en a un qui est vraiment ferré, puis là, il voit genre, OK, c'est stagé, puis je le ramasse pour de vrai. Là, c'est tu peux ça. Avoir l'air d'un vrai con. Là. Ça peut s'en virer contre toi, mais tous les partis politiques vont tout le temps planter les gens pour applaudir dans la foule. Ils vont applaudir alors que t'as juste rien dit. T'sais. Donc, c'est pour t'encourager, peut-être te remonter le moral et te donner l'impression que ton discours est vraiment béton. Mais en même temps, ça aide que le discours soit béton à la base. Ben, mais ça me contente toi d'avoir des arguments forts, puis après ça, ça va être correct. Là. T'es pas obligé d'avoir un con qui va te poser une question. Voilà, ouais. C'est comme ça que tu l'appelles la personne que tu. Le con. Le con, ouais. Chef. Ouais. Le confiant. Le confiant. Le confiant. J'aime ça. Tiens, si plusieurs personnes sortent à un endroit, bon, mettons, je sais pas, vous en allez en road trip à quelque part, vous êtes une gang. La personne qui conduit mérite peut-être au moins de se faire payer son gaz ou un repas au restaurant, quelque chose comme ça, juste pour le remercier. Je trouve que ce serait une bonne chose. Je devrais apprendre de cette chose-là aussi parce que ça m'est peut-être arrivé récemment de ne pas avoir compensé la personne. Mais voilà. Sache que je le sais et sache que je vais te compenser ça un jour, man. Okay. Mais quand même, c'est quoi? C'était un conseil, genre de. C'est un conseil de juste au moins payer une petite partie de. Pas nécessairement de payer le gaz, parce que payer le gaz, ça peut être peut-être trop, peut-être pas assez. Mais juste un petit repas, juste un petit quelque chose. Tu cotises pour le repas. Ça, un petit café sur le side pour la route, ben, ça, c'est sûr. Ça en prend, un café. Juste un petit quelque chose demain. Si vous avez une mauvaise main d'écriture, n'oubliez pas que les gens plus intelligents ont tendance à penser plus rapidement. Leur cerveau roule plus vite que les autres. Hein. Donc le résultat, c'est que leur écriture va peut-être être moins bonne, mais ça veut dire que la personne est peut-être plus intelligente. Peut-être! Merci. Voilà, merci et de rien. alors, tiens, on va finir avec ça. Voici la vérité. La vérité, c'est un petit, encore une fois, une petite phrase cute. Si tu fais faillite, tu vas survivre. Si tu perds un gig ou un poste, un emploi que tu voulais avoir, un amoureux, amoureuse, la maison, tu vas finir par passer au travers. Si tu chantes mal, tu te fais battre pendant une compétition, ton cœur est brisé, tu te fais virer, peu importe. Tout ça va pas te tuer. Demande à n'importe qui d'autre qui a vécu ça. Ils ont tous passé par-dessus. Ils ont tous passé au travers. Vous allez finir par survivre à ça. Voilà. Pensez-y. C'est cute. Ça finit cute. Mais est-ce que tu me permettrais de faire une petite anecdote savoureuse qui va être un préambule presque à ma chronique qui s'en vient juste après? Arrête ça. Check bien ça. Il n'y a qu'une seule chose au monde qui puisse bien dormir. C'est un cadavre. Alors, je vous laisse imaginer qu'aujourd'hui, on va aborder le thème de l'humour noir. Ah, c'est juste après la pause à l'assemblage requis. Restez là. Ça complète bien ça. Ah, wow. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou ça! Voilà, c'est la dernière demi-heure d'Assemblage requis en cette semaine du 19 mai 2014, toujours avec Mathieu Roy, et c'est la chronique humoristique. Est-ce que tu as trouvé un nom, finalement, à ta chronique? Non, mais c'est ça, je suis en train de penser à ça, avec le thème qui est en train de jouer, je devrais avoir mon propre thème, ben, genre quelque chose, une entrée triomphale. Tu comprends pas pourquoi qu'on... D'ailleurs, je comprends pas pourquoi que j'ai pas un tapis rouge. Non, c'est ça, ben on n'a pas encore fait débloquer le budget pour ça, sûrement pour l'automne, l'ensemble de programmation et tout ça. Peut-être que là, à partir de là, on pourra avoir un grand tapis. Ouais, non, mais je pense que ça va être... Mais faudrait que je me trouve un nom à ma chronique, j'avoue. Parce que, tu sais, je peux pas l'appeler chronique humoristique parce qu'elle cherche pas nécessairement à être drôle, mais à informer. C'est ça. C'est qu'à la longue, elle devient drôle. C'est informative, ouais, c'est ça. Ça devient drôle quand on parle de blagues puis qu'on se pompe l'un l'autre pour leur sens-là. Ouh! Ouh! Hello! Hello! Oh, il y a un petit bâton qui est passé. N'y pense pas deux fois. Si tu ne l'as pas eu la première fois, qu'est-ce qui fait penser que tu vas l'avoir la deuxième fois? Dans le fond, c'est le contrat. Ton chandail dit le contrat de conseil que j'ai dit tantôt dans le chronique. Je viens juste de voir ton chandail. Si tu ne l'as pas eu la première fois, qu'est-ce qui fait penser que tu vas l'avoir la deuxième fois? C'est donc bien rabat-joie. C'est vraiment roi bajois, comme on l'a dit. Oui. Mais c'est le genre de gilet que je porte quand je déménage. Mais la chronique. C'est un gilet qui a beaucoup d'ancienneté. Je peux te montrer quelqu'un des trous qu'il a acquéri avec le temps. Ah, oh, wow, t'es un roi. c'est quoi l'habit du. Tu sais, il y a un film de Disney là-dessus, genre l'habit du... L'habit du roi? Ouais, c'est l'habit du roi Mauricien des habits. Non, pas ça. C'est le roi qui ses sujets lui font penser qu'il porte des vêtements, mais il est tout nu, quelque chose comme ça. D'accord. le bon voir à c'est la Robert. C'est ça qui est de l'envers, je pense ouais. pas, mais peut-être. Ouais, peut-être bien. Mais les vêtements royaux ont changé toujours selon les époques quand même. OK. Ouais. C'est The Emperor's New Groove, le film que je cherche de Disney. Okay, peu importe. Donc, la chronique du roi Bajois, comme je l'appellerai jusqu'à temps que tu trouves un autre nom qui va moins te gêner. Dans le fond, c'est une motivation, ça. C'est ça. OK, good. C'est ça, c'est comme la pub de Skypunka qui dit jeudi, non, vendredi, à 21h. C'est comme pour l'inciter à venir taper une nouvelle pub. Ça marche pas. Fait que moi, je vais te donner ce nom de chronique-là. Ça marchera pas à t'en faire trouver un nom. Donc, on parle d'humour noir aujourd'hui, raciste. Non. Évidemment, non? Non. L'humour noir, là, c'est une forme d'humour qui souligne avec cruauté, amertume et parfois désespoir l'absurdité du monde face à laquelle elle constitue quelquefois une forme de défense. Oh. Donc, l'humour noir est un mécanisme de défense cérébrale contre les grandes inquiétudes que l'on vivons dans notre quotidien. Mm-hmm. Oh! Hein? C'est hein? Profond, c'est, ça. C'est profond? Comme toujours, tes définitions sont toujours absolument bien descriptives. Oui, toujours pris sur Wikipédia d'ailleurs. Toujours à la source inépuisable d'informations. Donc, toujours sous la même source, l'humour noir consiste notamment à invoquer avec détachement, voire avec amusement, les choses les plus horribles, les plus contraires à la morale en usage. Il établit un contraste entre le caractère bouleversant et tragique de ce dont on parle et la façon dont on en parle. Ce contraste interpelle le lecteur et l'auditeur et a vocation de susciter une interrogation. Donc, les questions pièges. Est-ce que tu pourrais me nommer des humoristes québécois ou français qui pratiquent l'humour noir? L'humour noir. J'ai Colin que c'est difficile. L'humour noir, on dirait que c'est pas très grand public comme style d'humour. Donc, t'as tendance, quand tu me demandes, mettons, un humoriste, à tout le temps avoir les mêmes noms en tête. Et en effet, la plupart vont pas faire de l'humour noir parce qu'ils sont trop grand public. L'autre fois, la semaine passée, j'avais abordé le sujet de Guillaume Wagner. Est-ce que ça s'approcherait un petit peu de l'humour noir par moment? Oui, selon moi, Guillaume Wagner serait classé là-dedans, mais selon la liste que j'ai, non. Le seul humoriste québécois que j'ai sur la liste, fournie par Wikipédia, mais qui est vraiment française, là, c'est humour noir très français, là. Ça serait Jean-François Mercier qui est notre représentant québécois. La mascotte, facile, oui. Oui. On s'entend qu'il fit quand même pas mal là-dedans. Hein? C'est même la définition, le prototype même de la définition. Oui, c'est un noiriste qu'on va appeler. Un noiriste, on pourrait dire ça. Un noirciste. Ça fait vraiment raciste quand tu dis ça. Un Black Panther. Ça, c'est un petit peu trop, ça. Oui. Mais dans les noms que j'ai reconnus un peu, ben c'est des noms français. Il y en a vraiment une grosse gang que ça me dit absolument rien. Coluche, Dieudonné. OK, oui. Jérémy Ferrari. On ne demande qu'en rire. T'as-tu déjà écouté ça? J'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais vu. Ça passait à TV5. Il y en avait une diffusion sur l'heure du midi, puis okay. Une en début de soirée. C'est des humoristes. Il y en a 5 par jour qui passent, puis ils ont environ une semaine pour préparer un texte avec un sujet. C'est de l'improvisation, un mix entre improvisation et humour vraiment préparé. OK. Puis vois vraiment comment ils vont amener leurs textes, amener leurs propos. Puis des fois, il y en a, là, c'est vraiment, c'est vraiment puissant. Je te conseille de l'écouter. On demande qu'en rire. Certaines sont vraiment chiantes. Je vous dirais pas le contraire. Là. Ça se peut que vous tombez sur des mauvaises batches. C'est pas rodé, donc vraiment, vous êtes la première fois qu'ils font cette blague-là. Puis ils le font aussi seulement qu'une fois. Ouais. Ils ne peuvent pas la répéter. Okay. Et fait que des fois, il y en a qui ont des personnages, se mêlent, des choses comme ça. Puis, tu sais, il y a 3 critiques très français, là. Fait que, tu sais, il y en a un vraiment théâtral. Ah, c'est un genre de talent show, là. Il y a des points. Ouais. Il y a pas de points. Il y a des points. Dans le sens où les juges vont donner des points, l'animateur donne des points, et le public donne des points. Puis, tout ça est ramené 20 points par chaque personne que j'ai nommée. Sont 3 juges total. Ça fait un total de 100 points. Puis, c'est ce qu'ils disent s'ils ont le droit d'en revenir par la suite. Ah, cool. Donc, ils peuvent être bumpés par le public. C'est un peu le principe de Star Academy là-dessus. On peut t'appeler par téléphone aussi pour voter pour des candidats. Faut financer l'émission, j'imagine. Oh, oui. Si on veut que ça reste en nom. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis il y a toujours une semaine de ballotage. Non, mais il me semble que c'est lundi. Le ballotage se fait. Puis c'est là, ils n'ont pas le choix. Fait que tu sais, t'as vraiment des bons gags humoristiques. Mais des fois, on les catch pas aussi bien parce que c'est vraiment de l'humour français. Oui. Mais parfois, tu vois que l'humour est quand même assez international parce que qu'est-ce qui peut être drôle là-bas peut être aussi drôle ici quand même. Génial, très très bonne suggestion. Mais c'est, toi, t'aimerais bien. Là. Mais Jérémy Ferrari, là, tu essaies de regarder ça au moins une fois. Lui, là, c'est. sérieux, je suis pas capable de m'en tenir pour rire. J'ai genre tellement de gags qui me viennent en tête présentement, mais que... Ben bref, hein? Bref. Hein? Ouais. La liste. Laurent Ruquier, qui est l'animateur de l'émission, lui aussi en fait. Ouais. Jean-Luc Lemoyne, qui ça me dit quoi, mais je sais pas pourquoi. Non, c'est moi, ça me dit rien. Ouais. Mais c'est vraiment les principaux noms de l'humour. Si vous voulez vérifier mes sources, c'est Wikipédia. Oui, notez ça, c'est www.wikipedia.org. Pas d'accent à Wikipédia. C'est nouveau. Brand new shit. Ouais, c'est vraiment, là, ça sort, c'est super gros. Mais dans les réalisateurs qui pratiquent l'humour noir, là, t'en connais quelques-uns, j'en suis pas mal sûr. On va y aller avec un vieux de la vieille, là, Alfred Hitchcock. Ben oui. Ouais. Ben oui. Mettons, je te dis Pedro Almodovar. Non, c'est une série. Ben, lui, il en est un. Les frères Cohen. OK, oui. Ouais. Albert Dupontel. Lui, il ne dit absolument rien. Sergio Leone. Oui. Oui. Jean-Pierre Mocky. Connais pas. Non. Monty Python. Oui, Monty Python, c'est les Britanniques. Ils font, en effet, de l'humour très, très, très britannique. C'est caractéristiquement britannique. Mais c'est une troupe de sketch. Ah oui? Il y a eu des pièces de théâtre basées là-dessus aussi. Il y a des films à la tonne. Monty Python's Holy Grail. Life of, je me rappelle plus trop qui. Il y en a un paquet d'autres. Hein. C'est vraiment super bon, ça. Ouais, Monty Python. Ah, oh, ben je l'ai regardé, lui. Après, c'était intéressant. Très bon. Et on a aussi le bon vieux Quentin Tarantino. Ah, ben oui. Non, j'avoue que j'ai pas tellement vu ses films. Fait que j'ai pas vu faire de l'humour, ben. Ça me surprend un peu, mais je suis pas connaissant. Quand j'ai vu ça, moi, j'ai genre fait, ben, il y a absolument rien à voir là-dedans. Ouais. Tu sais, je me rappelais genre Kill Bill. Ouais, c'est ça. Puis là. Film d'action. Puis après ça. C'est vrai qu'il y a comme des choses qui sont un peu caractéristiques de l'humour noir qui vont être intégrées dedans. C'est pas parce que c'est pas drôle que c'est pas drôle. Ça peut être des situations cocasses aussi. C'est pas obligé d'être un gag. Ouais, ben c'est pour ça que moi je me considère drôle parce que je suis pas nécessairement drôle tout le temps. Mais que pour moi je le suis, donc. Ouais. Ouais. J'allais apporter quelque chose de la vraie vie à la radio. Je pense qu'on pourrait se retenir relativement. Tu peux causer des situations humoristiques, mais qui sont pas nécessairement humoristiques pour tout le monde. C'est, mettons, lors d'un déménagement et d'un meuble qui tombe dans la rue, mettons. Ouais. C'est pas drôle, mais c'est cocasse que ce soit arrivé. T'sais. Ouais, ouais, non, mais je suis souvent inclus ou impliqué dans des histoires de la sorte. Rocambolesque, qu'on appelle. Sérieusement, ma mère, OK, petite confidence sur ma mère, elle comprenait pas. Ma soeur est toute bien ordonnée. J'ai une grande soeur, moi, puis moi, je suis le petit frère de la famille. Elle est toute bien ordonnée. Il y a jamais rien arrivé. Puis moi, j'avais tous les pépins pas possibles de genre d'affaires que, tu sais, ça arrive juste... Mettons, pire exemple, là, c'est... j'ai eu un accident quand j'étais en vélo. J'ai rentré dans un char, mais j'ai genre scrapé le côté au complet du char. Yeah. Parce que j'ai tourné trop vite le coin, puis après ça, j'ai été surpris par le char qui arrivait. Fait que j'ai comme vraiment fait une grosse rayure sur le char qui était en mouvement. Mais j'ai rien eu. J'ai continué à rouler. Puis lui aussi, là. OK. Lui, il m'a couru après pour me rattraper parce qu'il disait que j'avais comme brisé sa voiture. Moi? Il affirmait ça. Ah ouais? Présumément que tu savais. Ouais, ben tu sais, j'ai pas encore été jugé coupable. Non. J'ai pas été jugé. Mais c'est... Puis ma sœur était passée genre 2 mètres avant moi. Parce que moi, je suivais ma grande sœur. Fait que moi, je pouvais pas perdre C'est sa faute. C'est ça. Mais ma sœur était correcte tout le temps. Puis moi, j'avais tout le temps les pires pépins. Genre, mon pneu pétait, genre en bicycle. Puis tu sais, genre, j'étais trop lâche. Fait que je le barrais sur place. Puis je le laissais là. Ah, ouais, quelle famille. Mais ouais, non. Continuons dans les anecdotes qui ne sont pas personnelles. Donc, on parle d'humour noir. Et ouais, c'est cela. Fait que là, j'avais des petites citations qui sont sur le même site Wikipédia. Puis je les trouvais tellement pas bonnes que je me suis dit, faut que j'appelle ça en nombre. OK, donc on les lit. C'est supposé être des blagues, mais on va les trouver plates. Ouais, ouais. Ben, en tout cas, si vous les comprenez, expliquez-moi-les. OK, j'écoute vraiment fort. Parmi cette liste de mots, cherchez l'intrus. Métastase. Chosen... Zerberg, chimiothérapie, avenir. Je sais pas. Ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, genre, métastase, c'est genre quelque chose qui est relié au cancer. La chimiothérapie, qui est le traitement. Chosen Zerberg, j'imagine que c'est le gars qui a inventé le traitement. Puis avenir, en étant c'est genre, vu que t'as le cancer, t'as pas d'avenir. Mais j'ai juste de la catcher de même. Ouais, puis non, ça je la trouve vraiment poche. Ben, c'est un peu déplacé, je trouve. T'sais. Ouais, ben, la plupart sont déplacés. OK, ça venait de Pierre Desproges. Eh ben. Ah. J'espère qu'il y a d'autres projets, des projets d'année. Que d'être humoriste. Non. Nye. Nye. Elle tomba, il plongea, disparut. OK. Ben là, c'est sûr que c'est dark, mais en même temps. Mais c'est plus des comment dire, c'est pas des blagues autant que juste des phrases. Là, des, ouais, c'est des citations. Hein. Tu sais, tu aimes bien ta mère, point d'interrogation, alors reprends un bout. Reprends un bout de ta mère? Ouais, genre. OK. Ben moi, je l'ai compris comme genre, tu sais, mettons, sur son lit de mort, tu t'aimais bien ta mère, reprends-en un bout. OK, je pensais que c'était comme genre sourdis sur une mamelon. Ouais. celle que je t'ai lue tantôt, qui puisse bien dormir, c'est un cadavre. Ouais, ça c'était pas pire. Celle-là, je la trouve quand même pas trop pire. Il ne faut jamais gifler un sourd. Pourquoi? Pourquoi? Il perd la moitié du plaisir. Il sent la gifle, mais il ne l'entend pas. OK. Ouais, celle-là est genre plus legit. Seems legit. La hausse du pétrole entraîne des inquiétudes chez les handicapés moteurs. Handicapés moteurs, parce qu'il faut qu'ils mettent de l'essence dans leur... Ouais, mais le trouble, c'est qu'ils sont à batterie, là. C'est ça, exact. Et ceux qui sont handicapés moteurs, dans le sens qu'ils n'ont pas de moteur, comme mettons, sont à pied, ben ils s'en foutent du prix du pétrole. Fait que pas sûr que ça. Celle-là, je l'aime pas pantoute, là, mais je vais dire pareil. Qui a coulé le Titanic? Point d'interrogation. Iceberg, encore un juif. Donc, c'est vraiment, tu sais, celle-là est trash, là, tu sais, là. Ben, vraiment, le trash, comme dans Sortez-moi ça aux poubelles. Oui, puis Serge Gainsbourg. OK. C'est lui qui l'a dit. OK, bon, d'accord. Son nom sonne comme Iceberg, Gainsbourg, Iceberg, sonne pareil. Ça OK, toutes mes condoléances, tu viens de perdre ton grand-père, et je comprends. Moi, j'ai moi-même perdu ma virginité il y a encore pas si longtemps. Quand ça fait la réaction, c'est... Ouais. C'est un peu ardu. Ouais. Halloween, 2 points, livraison à domicile pour pédophiles. OK, celle-là, je l'approuve. Elle est très drôle. La seule. Très drôle. Ouais, OK. Là, j'ai pris un site d'humour aléatoire et c'est pas Wikipédia. Donc, j'aimerais ça faire une lecture d'une blague, puis on y va. OK, le jour de la rentrée, un gosse arrive, donc on sait que c'est de français, arrive à l'école en larmes, la maîtresse s'approche de lui. « Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? » lui demande-t-elle. « Ouais, ben ce matin, maman est allée noyer les 6 petits chats qui viennent de naître. » Le professeur répond. « Oui, bien sûr, c'est triste, mais ce n'est pas une raison pour pleurer. » Mais si maman m'avait promis que c'est moi qui irais les noyer. C'est vraiment plus malaisant que d'autres choses, ça. Ouais, ben l'humour malaisant, absolument, je m'y connais bien, mais moi même aussi. Moi, je les sortirais pas, ceux-là. Non, c'est juste beaucoup trop. Tu sais, déplacé, je l'ai dit tantôt, là, je me répète. Celle-là, je la cache pas pantoute. Que dit un aveugle lorsqu'on lui donne du papier de verre? Un aveugle papier de verre, non, je sais pas. C'est écrit serré. C'est écrit serré. OK. OK. J'imagine qu'il doit y avoir une affaire entre le braille puis le papier de verre, je sais pas. Mais je sais même pas c'est quoi du papier de verre. Je sais pas non plus. Qu'on appelle un artiste. S'il vous plaît. On n'a jamais un artiste à portée de la main. Non, ça devrait être tout le temps une ligne, la hotline artiste. Oui. On n'a pas ça, malheureusement. OK. Un type arrive aux urgences après un accident de voiture. Quand il se réveille, le chirurgien est à son chevet. Il lui dit « J'ai une nouvelle à vous annoncer. Je commence par la nouvelle. J'ai dû vous amputer les deux jambes. Et la bonne, j'aime beaucoup vos chaussures, je vous en offre 800 euros. OK. Quand même pas pire. Ouais, bon. Ouais. C'est un gars qui, en revenant de la chasse de la jungle, dit à son ami, j'ai tué 10 éléphants, 11 serpents, 7 lions, 3 panthères et 9 panoumanou. Son ami lui demande, c'est quoi ça des panoumanou? Je ne sais pas trop, mais il y en avait dans le fond de la forêt des cris qui faisaient panoumanou. Ouais. J'aurais peut-être dû les lire avant de les emmener en onde. Non, non, mais c'est ça. On essaie des choses. On essaie de voir si ces modes d'humour-là nous vont à nous. À date, on n'a pas une très bonne moyenne. Non. OK, j'en essaie une dernière. C'est la plus longue. Je me suis dit, elle doit être punchée. Oui, c'est ça. Elle va être longue demain. Une histoire autour de ça. Il y a de la viande autour de là. C'est un panoumanou, on sait pas. Un jour, un petit garçon de 12 ans rentre dans une maison close en tenant dans ses bras une grenouille morte. Il s'adresse à la mère Maquerelle, qui doit être la pimp. Ouais. « Je veux une de vos filles » et il pose un billet de 50 euros sur le comptoir. La tenancière le regarde de haut et en bas et lui dit « Tu penses pas que tu es un peu trop jeune pour ça? » Alors le garçon ressort un autre billet de 50 euros de sa poche et reprend « Je veux une de vos filles maintenant. » La tenancière lui répond « Très bien, prends un siège et patiente un peu. Elle sera là dans une vingtaine de minutes. » Mais le jeune garçon reprend alors 50 euros dans sa poche, les pose sur le comptoir et demande « elle devra être en pleine crise d'herpès. OK. La mère Macrel est interloquée et lui demande pourquoi, mais le jeune garçon ressort encore 50 euros et insiste « et en pleine crise d'herpès ». Point d'exclamation. Alors que la Macrel répond « D'accord, assis-toi, ça ne prendra que 10 minutes ». 10 minutes plus tard, une femme arrive, ils montent tous les deux et le petit y va de sa partie et de rentre dedans. Lorsqu'il... De rentre dedans, OK. Lorsqu'il descend et repasse devant la tenancière, celle-ci lui demande « Allez, maintenant tu peux me le dire, pourquoi voulais-tu une fille avec, en pleine crise d'herpès? » Le garçon répond « Maintenant, je vais rentrer chez moi et je baiserai la babysitter. Ce soir, papa reconduira la babysitter chez elle et la baisera dans la voiture. Quand papa rentrera, lui et maman feront l'amour. Et demain matin, quand papa partira au boulot, maman baisera avec le laitier. Et là, j'aurai enfin le salopard qui a roulé sur ma grenouille. Aïe, aïe! Oh! Ok! C'est trash. Ben, c'est trash, mais c'est pas pire. Je pense que c'est fini sur une bonne. Il y a une poche là-dedans, et au moins, il y a une histoire. Il fallait qu'on la suive. C'est juste ses poches quand c'est moi qui tu sais, c'est des blagues lues. Non, c'est sûr que c'est pas pareil comme une blague racontée par un stand-up qu'il a pratiqué 500 fois avant, mais... Ouais. C'était quand même très bien raconté. Génial. Donc là, maintenant, on sait ce qu'est l'humour noir. Est-ce qu'on va pratiquer l'humour noir plus? Nous deux, dans nos vies personnelles. Est-ce que toi, tu penses que tu vas aller raconter des blagues d'humour noir? Parce que c'est des blagues difficiles à formuler pour pas être... Puis il faut que tu l'adaptes à la personne qui va l'écouter aussi. Mais comme on a un humour qui est quand même... On n'est pas des blagueurs dans le sens... On fait des blagues genre sujet-verbe-complément, punchline. Tu sais, on n'est pas vraiment des blagueurs comme ça, toi et moi. Ben, en tout cas, de ce que moi, je perçois de toi. On ne scripte rien, on sait à la volée quand ça arrive. Moi, je serais porté à croire qu'on utilise indirectement l'humour noir, mais pas dans son côté trash, vraiment lugubre, profond, dark, mais vraiment dans son côté, genre, prendre une situation malsaine, peut-être en faire une petite blague, puis que ça va bien passer pareil. Ouais. Mais je crois pas que je pourrais me classer comme étant un pratiquant de l'humour noir. Mais qui, à l'occasion, va utiliser ce type d'humour. On se trempe l'orteil une fois de temps en temps. Ben, c'est ça, parce qu'en même temps, je pense que t'as pas le choix d'aller un petit peu des fois dans le trash, parce que tu peux pas juste parler d'arc-en-ciel pis de poney dans l'humour. Fait que t'as besoin de quand même un peu quelque chose de morbide. C'est donc, tu sais, les jokes de bébé mort sont dans l'humour noir. Là. Est-ce que tu trouves ça drôle? Perso, il y en a juste 4-5 que je me rappelle que j'ai trouvé bonnes de bébé mort parce que je trouve que c'est impertinent puis que c'est... Tu sais, moi, je sais pas, c'est dans le respect de l'être humain. C'est ça, exactement. C'est un manque de respect. Puis tu sais, toutes les jokes religieuses, tu sais, t'avais peur de ma joke islamique. D'iceberg, oui. La semaine dernière, tu sais, mais quand tu l'as entendu, tu sais, est politically correct. Oui. Tu sais, elle dit rien de mal. Sauf que si tu t'en vas sur la joke d'iceberg... Tu sais, ça fait genre « Ih, non, j'aime pas ça ». Tu sais, parce que je trouve que l'être humain, on a déjà assez de choses qui nous font chier à notre quotidien, que c'est rabaissant pour qu'est-ce que c'est de l'image qu'on se donne en tant que société, qu'on n'est pas obligé d'en remettre encore plus tout le temps. Là. Mais que l'humour noir peut être un moyen, des fois, pour avoir une petite risée bien plaisante à propos d'un sujet tout court. Ben, tu sais, la semaine passée, j'ai amené le sujet de Louis C.K. qui fait des blagues sur la religion. Souvent, il a fait un monologue à Saturday Night Live il y a quelques semaines de ça, peut-être un mois. Personne ne s'attendait à ça dans le public parce que c'est un public assez conservateur. Et il a fait des blagues sur la religion. Ça a quand même bien passé. Quand tu frappes à part égale sur tout le monde et que tu as un commentaire pertinent à faire et que ça va porter à penser des blagues sur les races, sur la religion, ça peut aller. C'est quand tu fais juste des blagues comme ça qui vont pour piner sur quelqu'un ou sur un groupe de gens, c'est là que moi, je trouve ça un petit peu inapproprié. C'est juste pas mon genre. Je peux respecter ceux qui le font. Même là, je sais pas. Ça dépend. Ben, tu sais, je trouve Jean-François Mercier, qui est classé dans l'humour noir, est quand même un bon humoriste. T'sais, j'apprécie pas tout le travail qu'il fait, mais je trouve qu'il apporte quand même quelque chose. Il apporte un propos. Mais, tu sais, de là à dire, genre, faut seulement passer par l'humour noir... Je trouve que c'est longtemps. Là. Exactement, oui, c'est ça. De faire que ça, mettons. Ouais. Ouais. Ben, donc, on va se trouver un autre style, puis d'ici la fin de l'été, on va pouvoir nous classer en tant qu'humoriste, puis on mettra le nombre d'adjectifs qualificatifs qui va derrière le terme humoriste pour nous deux. Parfait. Puis, probablement que ça va être vraiment... Donc, est-ce qu'on se classifie, mettons, sur l'échelle de noircitude? Ouais. Sur l'échelle de la noircitude? Nous sommes... Lequel est le plus gros? 10 étant le plus élevé. Là. Okay. Je dirais peut-être un 3. Ouais, moi, je dirais un 2 ou un 3. Là. Ouais. Mais c'est dur à classer parce que c'est notre premier classement. Fait que je les prends en note. Okay. On va faire fois. Un suivi. On fait des braquettes comme au basket. Genre, il faut mettre des seeds partout. Puis après ça, l'un gagne contre l'autre, puis on va se rendre jusqu'à la fin. On doit terminer l'émission ici. Merci, Mathieu Roy. Merci beaucoup. Déjà, ça va super vite. Hey, mais merci, Mathieu Blanc. Merci de venir à chaque semaine pour ta chronique sur l'humour. On appelle ça... Chaque semaine, slack un peu. Ouais, là, c'est ça. Pour l'instant, on est rendu à deux en deux, là, que nécessairement, on doit s'énerver. T'as un bon chef à date dans ton classement. Donc, la chronique du Roy Vajois. Mathieu Roy, la semaine prochaine en fin d'émission. On se retrouve donc jeudi prochain entre 14h et 18h pour Assemblage requis ainsi que les palmarès c'est fou. Après nous, c'est Rock révélé à partir de 18h avec Serge Nadeau. On repasse les samedis entre midi et 16h. Après nous, c'est les précieuses ridicules avec Myriam et ses amis. Et finalement, les lundis entre 14h et 18h. Après nous, c'est Raconte-moi ta ville. Après Assemblage requis et les palmarès c'est fou. L'ordre dépend de la diffusion. Allez voir cif.ca. Pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On va se quitter avec une pièce du palmarès anglophone. C'est celle de Mark Mills. On va entendre Triple Fire Sign, la position numéro 5 anglophone. Merci encore, Mathieu. Merci, Mathieu Blanc. À la semaine Bonne semaine. Bye.